bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika, comme tous les vendredis soirs, à partir de 19h. On est ensemble pour 3 heures de musique. Et comme vous le savez, dans l'émission Mavrika, ce qu'on aime, c'est recevoir des invités. Donc, la semaine dernière, nous avions reçu Angéline Annonier, qui était venue bien accompagnée. Elle était venue avec Pascal Mosconi. Et elle était venue aussi avec Pascal Brett. Et aussi avec Damien, qui s'occupe de Move Production. Voilà. Donc, on avait reçu donc toutes ces personnes. D'ailleurs, on a écouté depuis le début de l'émission quelques artistes, justement, qui étaient présents. On a commencé avec Pascal Mosconi, avec un morceau, une reprise de Bruce Springsteen qui s'appelle Boom Boom. Angéline Annonier avec Addicted to Love. Et à l'instant, d'ailleurs, on a écouté aussi un artiste qui est venu de Paris. Il n'est jamais venu dans l'émission Mavrika. Il est venu dans d'autres émissions. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai eu l'occasion de le faire venir aussi pour des concerts. Et puis, j'aimerais bien le retrouver. D'ailleurs, c'est Joseph César, donc un artiste de la région parisienne qui nous a interprété une reprise de c'était George Michael, oui, avec Wham. Je me souviens plus exactement si c'était le groupe ou si c'était lui qui l'avait chanté. C'était Last Christmas. À l'instant, ben, une nouveauté, c'est la première fois qu'on le débute dans l'émission Mavrika. Il s'agit de Sonic Lag, donc un nouveau groupe de la région centre que nous aurons sûrement l'occasion de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle The Color of the Sky. Et justement, dans ce groupe-là, vous vous souvenez de Goodbye Watson? Il y a Christian qui est le chanteur-guitariste. D'ailleurs, on reconnaît un petit peu son ton de voix. Donc, le style est légèrement différent. Mais c'est lui qui a formé ce nouveau groupe. Et c'est lui qui nous a envoyé ce morceau. Et il y en a d'autres à découvrir aussi. Tout à l'heure, nous allons écouter aussi le groupe Glass Zone. Un groupe que nous avons reçu il y a quelques temps. Le projet de Judy. Et justement, il vient de sortir un nouvel album. Il me l'a envoyé. J'ai téléchargé tout à l'heure. Hein, c'est tout récent. On écoutera donc un morceau. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous avons des invités. Alors, je vais déjà vous annoncer les invités des prochaines semaines. On recevra très bientôt, ça sera le 12 janvier, Pauline à la plage. Le 5 janvier, pour l'instant, il n'est pas réservé, j'ai pas de confirmation. Donc, pour l'instant, j'annonce pas. Le 19 janvier, nous recevrons le groupe Prisma. Le 26 janvier, ce sera les Uncle Bikers. Au mois de février, nous avons déjà deux dates aussi. Il y a les Transchacal Express qui viendront le 2 février. Et le 16 février, il y aura Will and Guys. Voilà. Alors ce soir, je vous l'annonce maintenant. Hein. J'ai gardé pour la fin. Ce soir, nous recevrons pour la première fois le groupe Omiris. Et vous verrez, il y a des membres qui sont déjà venus avec d'autres projets. Donc on est là pour découvrir tout ce projet, tout leur univers dans cette émission numéro 575. On est ensemble jusqu'à 22h. J'espère que vous êtes bien calés. On est sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. Voilà, donc nous sommes dans l'émission Mavrika, et puis il y a de musique qui vous dit mort en même temps, c'est pas bien grave. Je sais même pas d'où ça vient, donc c'est pas bien grave. Aujourd'hui avec l'informatique et tout ça, on a plusieurs choses qui se passent. c'est un peu perturbant, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va baisser la musique carrément. Je vais vous présenter déjà les morceaux qu'on a écoutés tout à l'heure. Voilà, je vois pourquoi. C'est bon, donc on va revenir avec petite musique normale. Voilà, il y avait deux choses en même temps, parce qu'en même temps on télécharge des morceaux. Voilà, on prépare de la suite de l'émission. Donc on a écouté plusieurs artistes à la suite dans l'émission Mavrika, et là on vient d'écouter donc le nouveau morceau, hein, si vous aimez la musique comment il appelait ça, Cold Wave, voilà, musique Cold Wave du groupe Glass Zone. Ben, vous avez un échantillon ce soir avec le titre Sea Storm. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika, et puis ce soir, donc comme je vous l'ai dit, pour cette édition numéro 575, nous recevons un nouveau projet. Il s'agit du groupe Oniris, et j'ai deux membres qui sont présents ici dans les studios. Alors il y a Aude. Salut Aude. Salut Mavrika. Donc on va régler les micros en même temps. Ça fait plaisir de te recevoir, puisque tu es déjà venu avec un autre groupe, le groupe Celtic Crack. C'est ça. Voilà, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Ouais, c'est vrai, tu l'as bien prononcé. C'est vrai que j'ai toujours du mal. Et même Oniris, souvent je le dis à l'envers. Alors j'espère que ça va bien se passer dans l'émission, mais je dis Orinis ou alors Omiris. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc il se peut qu'il y ait des petites erreurs, mais c'est Oniris, hein, je le dis dès le départ. Et tu es venu accompagné d'un monsieur qui est déjà venu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de THX, Thomas Duval. Oui, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu étais venu avec un autre groupe. Oui, il y a pas mal de temps. Il y a pas mal de temps. Plus de 10 ans, je crois. Il y a plus de 10 ans, ouais, parce que c'est vrai que c'était le groupe Chaos. Ouais, mais il y avait Mad Circle encore avant. Ouais, mais moi j'ai jamais reçu le groupe Mad Circle. J'ai toujours ouais, eu. Je pensais qu'on était venu, non, pourtant, c'était vraiment le début de Chaos, parce que effectivement c'était des membres de Mad Circle qui avaient constitué le groupe Chaos, et vous étiez venu dans les débuts de l'émission Mavrika, et vous êtes venu à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein. Je sais pas. Non, je crois que moi je suis venu qu'une fois. Ouais, je crois que t'es venu une seule fois. Mais j'ai vu les photos tout à l'heure. T'étais venu avec des percussions, je sais pas comment ça s'appelle, des congas, ouais, et des énormes trucs. Hein. J'ai vu les photos tout à l'heure. J'ai recherché un petit peu. Et en plus, le groupe Chaos, c'est un groupe qui fait partie de Mavrika Family, parce qu'il est déjà venu dans l'émission, et il a aussi participé à Mavrika Live. Ouais, et ça, c'est important. Ouais, ça, je m'en souviens. Un très bon moment en tout cas. Mmh. Et on avait un beau plateau, hein, je me souviens, il y avait pas mal de bons groupes à ce moment-là. Bon, à chaque fois, Mavrika, on essaie, dans les Mavrika Live, on essaie de rassembler plusieurs groupes, et c'est toujours des bons moments. Donc le prochain, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, c'est le 26 novembre 2024. Donc on a un petit peu le temps quand même, d'ici là. À moins qu'on fasse quelque chose entre-temps, mais pour l'instant, c'est le seul événement qui est encore programmé. Voilà, donc on va parler aujourd'hui du nouveau projet, le nouveau projet qui s'appelle Oniris. Voilà, je l'ai bien dit. C'est ça. C'est ça. Je vois Aude qui sourit. Alors ça me fait toujours plaisir, parce que Aude, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Et j'aime bien moi avoir des gens comme ça qui dans l'émission, ça donne du bonheur de vivre, quoi. Donc ça c'est important. Alors le groupe Oniris, il existe depuis combien de temps? On a commencé en août 2022. Ouais. Mmh. On en a parlé un peu avant. En fait, on a commencé à en discuter au printemps, je crois. Ouais. Et puis, on avait un peu nos activités respectives. Et on s'est vraiment lancé au mois d'août. Oui, à construire un set, à travailler des morceaux. Et ça a été assez vite au début, en fait. Donc, le groupe, il a un an et quelques, quoi. Tout ouais, simplement. Donc, c'est récent. C'est très récent, oui. Alors là, on va déjà citer aussi les membres du groupe, parce que les membres du groupe sont que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a le son, mais il y a aussi le visuel dans ce groupe Oniris. C'est ça. Et alors en plus, ce qui est un peu complexe aussi, c'est que le technicien son, il fait partie vraiment intégrante du projet. Matteo Sudovitz, qui est aussi musicien. D'ailleurs, que vous avez reçu dans Ombrage. Oui, tout à fait. Qui est aussi musicien. En fait, Matteo, il gère le son et les lumières, mais il gère en fait toutes les transitions sonores. Parce que du coup, sans spoiler un petit peu, c'est vraiment un spectacle qui est intégral, monté de bout en bout. Et du coup, même entre les morceaux, il y a un univers sonore en fait qui reste et qui est géré entièrement par Matteo. D'accord. Donc il fait vraiment partie du spectacle. Et puis c'est visuel. Oui, bah oui, parce que du coup il y a aussi Nathalie qui danse en fait sur le spectacle en fait. Donc finalement il y a une interprétation. Déjà on va vous donner la place de chaque membre. Donc Matteo qui fait les machines quoi, on va dire ça comme ça, parce qu'il fait le son, la lumière. Pas les machines au sens propre. Il ouais. fait vraiment plutôt la technique. La technique, d'accord. Mmh. Ok. Parce que Thomas est aux machines. Donc c'est pour Thomas ça que... Thomas est aux machines. D'accord. Et après, Thomas, il est batteur aussi. Alors, c'est ça, ouais, Thomas dedans, je vais te présenter, c'est plus facile. Thomas dedans, donc déjà, il est co-compositeur puisqu'on a écrit la musique à deux. Mm-hmm. Il est donc batteur. Il s'occupe de toutes les machines, donc tout ce qui est MPC, etc., toutes les sonorités en fait qui sont dans les morceaux. Il fait aussi les claviers, il a un piano et puis aussi un petit clavier avec lequel il peut faire pas mal de sons un peu transformés. Un petit synthé. D'accord. Un petit synthé, voilà. Mmh. Un petit clavier, un petit synthé. C'est déjà pas mal. Il a un gros set, du coup, en général. Il prend un peu de place et puis surtout, il se cache un petit peu derrière toutes ces machines. J'ai rabaissé le synthé, du coup, maintenant, on verra mieux. C'est parce que c'est ce que les gens ont dit la dernière fois au spectacle. Ils d'accord. ont dit, mais on voit pas le batteur, il est caché derrière tous ces trucs. Ouais, quand il a baissé le synthé, c'est la position, hein, c'est pas c'est le ça, synthé, on l'entend toujours autant. Oui, voilà. Bien sûr, c'est la position en hauteur. D'accord, en hauteur. Parce qu'il se cache peut-être, il est peut-être un peu timide, il se cache derrière les fûts et les synthés et tout ça, non? Bah après, c'est la batterie qui parle. Hein. C'est la batterie qui parle. C'est qui t'exprime avec la musique, finalement. Ouais. Très bien. Et donc, toi, Aude, tu es toujours à la flûte. Alors, j'en ai plusieurs, là. Oui. Thomas, si tu veux, je te laisse... Te présenter. Ouais. Oh là, il a fait une tête. Parce que je ne veux pas savoir nommer toutes tes flûtes, mais... Ok. Bon, bah alors, si tu veux... 3-4 flûtes. J'en ai 5. J'ai la flûte traversière de base. Mm-hmm. J'ai 2 whistles irlandais. Une flûte grave et une flûte aiguë. Et après, j'ai un bande-souris indien, une flûte en bambou. D'accord. Et une flûte peul, qui est une flûte africaine en roseau. Ok, donc on voyage aussi avec les instruments, parce que ça vient un peu de voilà, partout, quoi. Voilà, exactement. On voyage avec les instruments. Et j'ai pas mal de pédales d'effet qui me permettent aussi de faire notamment des basses, des boucles, ce qui est très important dans le projet. Du coup, t'as un looper pour... Voilà, j'ai des pédales d'effet et un looper pour pouvoir vraiment faire des couches de flûte, entre guillemets. Et après, par-dessus, pouvoir jouer en live sur les couches. Très bien, donc voilà, vous nous avez un peu présenté tout ça. Alors, il y a un morceau que je diffuse déjà depuis quelques temps, c'est... Bon, c'est la nuit, mais c'est night. Night, voilà. Donc, dans ce morceau-là, justement, on a pu un petit peu. Moi, j'ai pu un peu analyser un petit peu votre musique. Donc, c'est une musique on peut l'appeler un peu synthétique, un peu électronique. Un peu électronique, ouais. Ouais. C'est on la caserait comment dans les styles musicaux. Ah, justement, c'est un peu compliqué. Ouais, je pense que justement, il faut peut-être pas caser. C'est vraiment original, moi, je trouve. Mais en fait, ça rentre dans plusieurs cases, puisque de toute manière, on est en France et si on veut réussir à parler du projet, il faut qu'on arrive à le mettre dans des cases. C'est vrai que c'est en France, on casse ouais, les choses. On a choses besoin comme ça. De classifier ouais. les choses. C'est vrai que c'est voilà. Bah, donc même la musique expérimentale elle est classée dans quelque chose. En fait. Ouais, ouais, dans expérimentale. Bah, on peut rentrer un peu dans ce juste. Justement, dans mais la musique expérimentale. Deux, c'est là où c'est compliqué. Ouais. T'es pas complètement dedans. C'est ça. Et en fait, on est un peu dans la musique électro, mais on est aussi un petit peu dans les musiques du monde par rapport aux sonorités qu'on va. Et puis, il y a aussi une dimension dont on a oublié de parler, c'est que il y a la voix. La voix, en fait, qui est présente sur quand même pas mal de musique, sur des poèmes. Donc, j'ai écrit. C'est ma voix, je précise. Oui. C'est pas la voix de quelqu'un d'autre parce qu'on m'a déjà demandé. Ouais. Il y a des, ouais, des gens qui me connaissent. Comment ça se passe dans le spectacle? C'est une voix finalement. Non, c'est moi qui parle. Tu parles en direct. Ouais, je parle en direct. Donc, je récite des poèmes, mais d'accord. Quand les gens ont écouté en fait le son, ils m'ont dit en fait quand tu parles, c'est simple, t'es toujours en train de rigoler et tu n'arrives pas à faire une phrase sans dire une connerie. Donc du coup, comme là, on a une voix qui est hyper sérieuse, hyper posée, vrai, on n'a pas reconnu ta voix. Ouais. D'accord. Mais du coup, il y a la voix et donc on a cette dimension poétique en plus qui fait qu'on a aussi du mal à le rentrer dans une case avec ça. On a des morceaux qui sont instrumentaux, mais il y en a d'autres. Et la majorité, ça mélange effectivement la musique et la voix. Voix qui peut des fois aller jusqu'au slam, dans soul. D'accord. Voilà. Donc on a plusieurs morceaux ce soir, il y en a cinq. Tout à fait. Donc ça c'est un enregistrement qui a été fait il y a longtemps, non? Ce sont des enregistrements. En avril 2023. Avril 2023, on a enregistré, c'est sorti en juillet 2023. D'accord. Donc juillet 2023, ça a été enregistré dans quel studio? Vous pouvez le dire, hein. De toute façon, on les cite tous ici, il n'y a pas de souci. Eh bien, ça n'a pas été enregistré dans un studio à proprement parler, parce qu'on a enregistré en live, on était à Musique et Équilibre, parce qu'on travaille tous les deux là-bas. Et le technicien a plutôt installé tout le matériel sur place pour qu'on puisse enregistrer dans les locaux là-bas. D'accord. Donc un enregistrement qui a été... Ça a été fait en une seule fois ou... En deux jours. On a enregistré les cinq titres. D'accord. Bah non, ça a été quand même bien bossé, quoi. Donc tous les morceaux étaient bien prêts, tout ça. Vous étiez prêts à l'enregistrement, parce que on avait bien travaillé un peu. Bien avant, travaillé puis... avant. Donc voilà, quand ça a été pris, la prise de son à partir du moment était bonne techniquement. Vous disiez, hop, c'est bon, impeccable. Voilà. Très bien. Parce qu'il y a des fois, il y a des morceaux qui sont enregistrés, je sais pas combien de fois, et après on sélectionne, et après on retouche, et finalement des fois le mieux c'est de réussir à capturer le son presque direct, quoi. Et... C'est ça, et puis en même temps, on n'avait pas non plus trop de temps, donc on ne pouvait pas non plus se permettre de faire 50 prises. Donc, c'est ça. Après, en fait, au début, les premières prises, on en a fait plusieurs, parce que Thomas, pour le coup, quand il n'y a pas de batterie, ça allait, parce qu'en fait, il rentrait direct dans la console, il n'y avait pas de résidu de son, on l'avait que dans le casque, sauf que moi, avec les flûtes, il y a quand même du... Même si je joue dans un micro, on entend quand même dans la pièce. Et c'est pour les morceaux où il y a de la batterie où on a dû en fait faire plusieurs prises parce qu'en fait, on s'est rendu compte à l'écoute que la batterie, elle repissait dans les micros de la flûte. Donc, il a fallu que je sorte, que je m'expatrie dans le couloir à bout de longueur de câble pour qu'on n'entende pas la batterie dans mes micros de flûte. Voilà. C'est vrai, effectivement, quand vous êtes dans une pièce, et forcément, l'instrument qu'on entend en plus, c'est la batterie quand même. On l'a vu assez souvent ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et donc forcément, ça va sur les autres pistes qui sont enregistrées. Et puis après, c'est pas toujours évident de renettoyer tout ça. Donc le mieux, c'est de pas l'avoir du tout à la prise. Très bien. D'avoir deux pièces, quoi, sinon. Quoi. Avoir plusieurs pièces. Ouais. Il y a des studios comme ça où il y a justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on enregistre la musique. Je sais pas. Il y a chaque ingénieur du son travaille différemment, mais souvent on fait une première prise qui permet d'avoir une écoute sur le casque. À partir de là, on réenregistre chaque instrument. Chacun enregistre son instrument tout seul et puis tout seul. Comme ça, et puis après on remonte tout ça et puis voilà. Voilà, souvent c'est comme ça qu'on fait. Comme ça permet d'avoir des pistes. Et puis à la limite, tout est bon sauf celle-là, on la refait et on peut en la remettre dessus. Donc voilà, aujourd'hui on a quand même beaucoup d'outils. C'est pas comme dans les années 50. Par contre, pour nous, vu qu'il y a pas mal d'impro, en fait, ce serait compliqué en fait de travailler de cette manière-là, en fait. C'était pas possible. On a besoin de jouer en fait ensemble, sinon. On a besoin de se voir et de jouer ensemble. Vous improvisez toujours? Non, il y a des séquences et il y a des bases qui sont... on sait à peu près ce qu'on fait, mais sinon... Donnez la liberté de pouvoir modifier les morceaux quand vous... Tout à fait. Ouais, ça c'est libre. Ouais. En fait, tout ce qu'on enregistre qui est bouclé, ça c'est figé, entre guillemets. C'est nos bases. Et après, par-dessus... On l'enregistre en direct, donc du coup, ça peut bouger quand même un petit peu. Oui, aussi. C'est vrai que des fois, ça bouge même d'un concert à l'autre. Mais après, ce qui se passe dessus, souvent, c'est quand même improvisé. Bon, il y a des petits riffs que des fois, on aime bien, qu'on a gardés. On s'est dit, tiens, ça, c'est sympa, je vais continuer de le faire. Mais par-dessus, ça varie vraiment... d'un concert ou d'une répète à l'autre. Donc là, c'était presque impossible d'enregistrer un truc et puis après de se dire on refait ça, parce qu'en fait, refaire exactement la même chose quand on improvise, c'est pas possible. Ouais, j'imagine. Donc vous, votre musique, c'est vraiment de la musique vivante, quoi, finalement, à chaque fois. Et les, bon, à la limite, si on voulait la faire exactement pareil d'une fois à l'autre, je sais que c'est jamais vraiment possible. Mais vous, vous donnez des libertés, donc votre musique peut évoluer. Les morceaux que vous avez enregistrés, par exemple, vous pouvez les interpréter à un concert. On va vous voir un concert, ça sera pas exactement pareil. Vous allez un petit peu broder dessus, peut-être rallonger un peu les morceaux, peut-être, je sais pas. Ah bah oui, parce que les versions live, elles sont plus longues en général. On a fait des versions courtes, entre guillemets, en studio. Quand on prend un morceau comme Cosmos ou Night, qui sont nos morceaux les plus longs, je crois qu'ils durent 6 minutes ou dans ces zones-là. Quand on les a enregistrés en live avec la danseuse, ça peut aller jusqu'à 9 minutes. D'accord. Ah ouais. Et en plus, oui, c'est vrai qu'il y a le spectacle aussi. Donc la danseuse, on va en parler un petit peu aussi. Donc elle s'appelle Nathalie, tu m'as dit. C'est ça, Nathalie. Ouais. Ok. Et elle danse. Alors comment ça se passe? C'est une chorégraphie qu'elle a étudiée pour aller sur votre musique, ou il y a aussi une base d'improvisation? Il y a pas mal d'impro, je pense. C'est de la danse intuitive, en fait. Mmh. Donc c'est pas vraiment chorégraphié. Par contre, c'est vrai que elle a saisi l'essence et de la musique et des textes, qu'elle arrive, elle colle vraiment à notre univers. Et du coup, quand elle danse, elle arrive en fait avec son corps à faire passer les émotions de la musique et tout ce qu'on veut faire passer en fait dans les textes et dans la musique qu'on a composée. Donc ça bouge aussi, parce qu'elle fait pas exactement la même chose, mais elle a quand même des gestes en fonction de si elle représente la forêt ou la solitude ou l'amour. En fait, elle a quand même des gestuels qu'elle a gardés et qu'elle fait évoluer au fur et à mesure des morceaux. D'accord. Donc, et vous reconnaissez un petit peu quand elle danse, tiens, elle fait ça, c'est tel moment. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu la chorégraphie à force de la voir? Non, vous, c'est quelque chose que vous découvrez à chaque fois. D'accord. Vous, c'est la musique, vous êtes là-dessus, et vous lui donnez la liberté finalement de s'exprimer comme elle a envie, quoi. Tout à fait. Très bien. Ben, en tout cas, un très beau projet. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, on a discuté un petit peu ensemble. Je lui dis, mais c'est vraiment original. C'est vraiment un truc. Je crois qu'il n'y a que vous qui faites ce genre de choses, quoi. Non? Oui, j'ai pas vu notre groupe pour l'instant. C'est ça. On a vu des choses qui peuvent des fois s'approcher du côté musique du monde ou d'autres du côté électro, mais mélanger les choses comme ça, ou avec la poésie aussi, c'est quand même assez rare. Ouais. On n'arrive pas à séparer. Quand on nous demande de quoi vous pouvez vous rapprocher comme groupe, c'est quand même dur de dire de quoi on peut se rapprocher. Très bien. Je propose qu'on écoute justement le morceau Night que j'ai calé déjà sur le lecteur. Donc c'est un morceau que j'ai déjà diffusé à plusieurs reprises pour préparer votre arrivée, parce que je savais que vous alliez venir aujourd'hui. À l'origine, je voulais aussi m'excuser, parce qu'à l'origine c'était prévu pour le 8. Hein. C'était ça, le 8 décembre. Mais malheureusement, malheureusement, on a réussi à le décaler quand même. C'est que il y a eu un imprévu, c'est qu'il y avait une réunion des animateurs de Radio Arc-en-Ciel ce jour-là, et je me suis dit ah mince, j'ai une invitée, donc j'ai contacté Aude et elle a bien voulu décaler la date, et comme ça vous êtes là ce soir. Bon, l'important, c'était un problème de temps. Je savais que j'allais vous recevoir, mais c'est vrai que j'avais été un petit peu pris au dépourvu. Voilà, donc on écoute le premier morceau de Oniris qu'on va écouter ce soir dans l'émission numéro 575. Il s'agit de Night. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Son manteau

La nuit. La nuit. Voilà, jusqu'à la dernière note, la nuit. Donc c'est le groupe Oniris qui est notre invité ce soir dans l'émission Mavrika, et nous allons découvrir tout l'univers. Donc là, c'est le morceau que j'ai déjà diffusé à plusieurs reprises dans l'émission Mavrika, justement pour préparer leur arrivée. Et ce soir, ils sont là, donc ils vont nous parler un petit peu de ce morceau-là. Alors la nuit, comment vous avez fait pour composer, écrire ce morceau? C'est d'abord la musique qui est venue, ou est-ce que c'est le texte? Je t'ai envoyé un petit bout, je crois, au départ, mais je... Non, c'était pas sur celui-là. C'était ce que tu m'avais envoyé, c'était sur Morning Forest et sur Titan. Ouais. Celui-là, j'ai écrit le texte d'abord, et après t'as fait la musique par-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai ça dépend des morceaux en fait, mais on a fonctionné dans les deux sens. Il y a des moments où Thomas m'a d'abord envoyé les bases de travail en musique électronique, et où après déjà on a écrit après la batterie, le clavier et la flûte, et aussi a écrit les textes. Et il y a des fois où voilà, c'est les textes qui ont été écrits les premiers. Et là, la nuit, effectivement, c'est d'abord le texte, c'était d'abord un poème sur la nuit. Mm-hmm. Et c'est devenu une musique. D'accord, très bien. Donc maintenant comment est venue l'idée de faire ce poème, justement? Oula. La nuit, donc c'est un thème voilà que tout le monde connaît. Et puis c'est vrai que ça touche aussi tout le monde, parce que on s'imagine la nuit. Je crois que ça fait beaucoup travailler l'imagination aussi, ce genre de morceaux. Alors c'était un peu l'idée façon du projet de base. Ça s'appelle Oniris. Mmh. Alors Aunirnirs. Ouais. Parce que déjà Oniris. Qui vient du grec ou du latin, avec un O, ça existait déjà. Ouais. Et puis que du coup, on s'est dit, moi je m'appelle Aude, A-U, on va juste changer le O. D'accord. Par le A-U. Ah oui, voilà. C'est le A-U de Aude, d'accord. C'est ça. Et l'idée, c'est d'emmener un petit peu les gens dans le monde du rêve. Mmh. Et c'est vrai que j'écris sur des thématiques qui sont soit en lien avec la nature, ou après sur des choses un peu plus abstraites, comme justement la nuit. Mmh. Et c'est vrai que dans tous les poèmes que j'écris, ça reste des notions comme ça un petit peu abstraites, ou alors des personnifications, puisque du coup la fin du poème, c'est de dire elle est la nuit. Mmh. Très bien. Donc c'est pareil, ça joue beaucoup avec l'émotion, puisque il y a aussi, tu me parlais justement de l'imagination qui nous, ça nous fait travailler un petit peu notre imagination, la nuit, la personnalisation de la nuit, et puis il y a aussi tous ces petits bruits, parce que c'est de la musique, mais il y a aussi des petits bruits qui nous rappellent un petit peu, je sais pas, la forêt, la nature, voilà, ça c'est important aussi, parce que on le ressent, quoi, c'est, on écoute et en même temps on ressent des choses. Et quand on analyse, on se rend compte que tout va bien ensemble, tout a été calculé, tout a été bien fait, quoi. C'est des bruits pour rappeler justement le. Pour mettre. J'arrive pas à trouver les mots, mais. Pour mettre vraiment dans l'ambiance, ouais, en fait. Pour illustrer ambiance, vraiment le moment, quoi, l'endroit, donc les bruits de la nature. Et puis il faut pas oublier que la musique existe depuis toujours, hein, c'est pas l'homme qui l'a inventé, la musique existe déjà dans l'univers, le souffle du vent, le rythme des gouttes d'eau qui tombent, donc et nous on se sert de ces choses-là. Et là j'ai l'impression que vous retournez un petit peu aux sources, vous allez rechercher des bruits de la nature, je sens, pour composer dessus, et je trouve que c'est bien aussi, parce que ça, je crois que ça parle à tout le monde, ce genre de choses-là. Thomas, en fait, il a cherché vraiment des sonorités. En plus des musiques, il a cherché vraiment des sonorités qui allaient représenter un petit peu chacune de nos musiques. Donc là, voilà, on entend le bruit des grillons, la nuit, mais... Le souffle du vent. Le souffle du vent, voilà. Dans d'autres, on entend la pluie. Dans une autre, on entend le bruit des gens qui discutent. Les oiseaux aussi. Les oiseaux. Mmh. Ça dépend vraiment des musiques, mais voilà, comme tu le dis, c'est vraiment, de toute façon, c'est un spectacle immersif. C'est pas juste de la musique, il y a la musique, la danse, la voix, les bruitages. On emmène vraiment les gens dans un voyage dans le monde des rêves. Mmh. Tout à fait. Et puis là, c'est vraiment, ça fait marcher un peu toutes les sensations parce que il y a le visuel, il y a des lumières aussi. Les lumières, c'est important, non, dans le spectacle. Oui, pour. Ouais. Pour mettre en image. Parce que moi, j'ai pas encore vu le spectacle, donc voilà, donc j'imagine d'après ce que vous me dites. Donc il y a les lumières, il y a une danseuse, il y a les musiciens qui sont là et qui bougent aussi, qui sont vivants. Finalement, c'est un univers que vous créez carrément. C'est plus que de la simple musique. Là, on est à la radio, on va écouter la musique, on va imaginer plein de choses. Mais je pense que le but, c'est quand même d'aller voir le spectacle et puis de s'immerger vraiment dans votre univers. Ah bah c'est sûr, on va même jusque, donc il y a les bougies, il y a les lumières, les néons, jusqu'au maquillage. Ah, vous êtes maquillée. Oui, on a aussi un maquillage spécial avec des motifs de la nature. Donc c'est Nathalie qui nous maquille aussi, la danseuse. Elle fait aussi tout le côté maquillage et tout le côté graphisme aussi du dossier. D'accord. Oui, c'est ce qu'on voit un petit peu dans vos affiches. On voit des petites fleurs, des choses comme voilà, ça. Voilà, exactement. D'accord. Voilà, ça, donc c'est Nathalie qui fait ça. Nathalie qui réalise ça. Parce qu'en fait, à la base, elle est pas que danseuse. C'est même pas son activité première. Elle est musicienne, graphiste. Elle est peintre. Je crois que peintre même ou illustratrice, c'est son activité principale. C'est à l'image de nous, c'est une personne qui est vraiment plongée dans plein de domaines artistiques et c'est ça aussi qu'on cherchait. C'était pas une simple danseuse qui allait exécuter, c'est quelqu'un qui pouvait être sensible à d'autres formes d'art et Nathalie, c'est vraiment une artiste formidable. Elle si vous allez voir ce qu'elle fait, c'est magnifique, hein. Elle peint super bien, elle a un univers aussi à elle vraiment splendide. Elle est réunionnaise d'origine, donc elle D'accord. ramène aussi beaucoup de sa culture dans ce qu'elle fait. Dans la musique, c'est sûr qu'elle est quand même plus dans les univers justement de Réunion, voilà, de musique, ouais. De musique de la Réunion, etc. Et elle a une très très grande sensibilité qu'elle arrive à faire transparaître dans nos visuels, dans le maquillage et après elle dans la danse. Voilà. Très bien. Et moi, j'ai cherché un petit peu. Donc, il y a une page Facebook aussi où on peut voir ses œuvres. Et j'ai vu que c'est très, très coloré. Donc, il y a ce côté un petit peu, moi, ça m'a rappelé un petit peu l'Afrique et tout ça. Donc, la Réunion, comme tu dis. Je le savais pas, mais tu vois, j'avais déjà. Donc, ça fait voyager aussi dans le monde parce que ça, c'est important. La nature, le monde. Vous utilisez justement des instruments qui viennent un peu de tous les pays, de tous les continents. Donc, c'est un voyage finalement qu'on fait en allant voir votre spectacle. Le silence. Oui, c'est ça, j'imagine. Bah, il faut le voir. Après, on a fait une vidéo il y a pas longtemps parce qu'on a fait on a joué le spectacle à la Ruche en Seine à Orléans au mois d'octobre et il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qu'on peut aller voir sur YouTube qui montre un petit peu l'univers du spectacle justement. C'est un petit teaser qui permet de voir un petit peu à quoi s'attendre en allant voir Oniris, voilà. Mais le mieux, c'est de le voir quand même en live. Ouais, en direct live. C'est ça. Et l'année dernière, on avait fait une première partie de concert. Il y avait que la musique. Ouais. Et on a quand même eu des gens qui étaient pas venus pour nous, il faut le dire, qui étaient venus pour la deuxième partie, mais qui sont venus nous voir à la fin pour nous dire, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'avoue que j'accrochais pas d'emblée avec ce qu'il y avait écrit et ce que vous proposiez. Mais en fait, je me suis laissée complètement prendre et emmener dans votre univers et en fait c'est super ce que vous faites. C'est bien ça, parce que moi j'aime bien moi le premier, hein. Des fois je vais voir des concerts et je sais qu'il y a plusieurs artistes, alors je me dis tiens, je vais voir tel artiste mais je vais aussi découvrir les autres, et des fois je me prends des bonnes claques parce que je vais pas du tout pour eux, mais finalement je me dis waouh, ils sont bien, et puis la prochaine fois qu'ils se reproduiront, j'irai les voir à nouveau parce que finalement j'ai bien aimé. Donc il faut un petit peu prendre le risque. C'est vrai que des fois on peut être déçu, hein. On va voir quelque chose, on se dit oh, je m'attends pas grand chose, et finalement ça nous plaît pas parce que on n'accroche pas, on peut pas, on a tous des sensibilités différentes, on peut pas accrocher à tout, on peut pas tout aimer. Mais il y a des choses aussi où des fois on est surpris, on dit tiens, j'aurais jamais cherché dans cette direction là et pourtant là j'ai passé un bon moment et j'aimerais bien revivre ça à nouveau dans un prochain concert et puis continuer à suivre tel ou tel groupe. Voilà, ça c'est important. Donc il faut sortir et puis il faut aussi découvrir par soi-même. Il faut pas seulement écouter ce qu'on vous dit dans les radios, les télévisions et tout ça. Il y a des artistes autour de vous qui sont très bien. D'ailleurs, c'est un petit peu le rôle de l'émission Mavrika, c'est de recevoir des artistes qui sont pas forcément diffusés dans les autres radios, parce que ils ont énormément de talent. Et si je fais cette émission depuis bientôt 14 ans, c'est parce que franchement, dans la région orléanaise, il y a des très bons musiciens. Et c'est toujours un plaisir de les recevoir dans les studios de Arc-en-Ciel et aussi d'aller les voir en concert. C'est quand même quelque chose que je dis souvent, allez au concert, allez voir les artistes. Et ils demandent que ça. Et puis, vous allez voir, vous allez. Au début, c'est pas toujours évident de sortir le soir en se disant, tiens, je vais aller voir tel concert, surtout en ce moment, les jours sont courts, il fait froid, mais faites le pas et vous allez voir, vous regrettez pas, parce qu'à chaque fois, on se fait un petit peu violence en disant, oh, je vais sortir quand même, je vais affronter le froid, je vais affronter la nuit, je vais aller voir tel groupe, et finalement, ah ouais, franchement, je regrette pas, et le lendemain matin, on est content, et puis voilà, ça nous reste dans la tête pendant plusieurs jours, plusieurs années même, des fois, on repense à des concerts qui ont valu vraiment le coup, et des fois, on se dit, heureusement que j'étais à ce moment-là, parce que des fois, les groupes, ils durent pas ou alors, on n'a plus l'occasion de les voir, donc c'est pour ça, il faut pas rater les occasions, il faut aller les voir. Il y a même plusieurs groupes que j'ai été voir plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, c'est toujours du bonheur. Donc, Omiris, notre invité de cette émission numéro 575, voilà. J'inverse un petit peu les choses. Donc, on a parlé déjà de ce morceau qui s'appelle Night. Alors, on en a plusieurs à écouter. On en a 5 en tout qui ont été enregistrés. On écoute tout de suite le deuxième. Bon, j'ai mis Cosmos. Hein. Je ne sais pas si c'était celui-là que vous vouliez mettre. Non. Bon, si, ouais. Allons-y. Hein. C'est celui qui est vraiment le plus électro, je pense, du set. Et c'est aussi il y a que deux morceaux où il n'y a pas de voix. Ouais. Et c'est l'un des deux morceaux où il n'y a pas de voix. D'accord. Il n'y a pas de batterie aussi sur celui-là, non? Non, Cosmos, il n'y a pas de batterie, c'est vraiment que. C'est pour ça que je dis que c'est très très électro. D'accord, c'est fait pratiquement qu'avec le synthétiseur, c'est ça? Non, les synthés et les machines. Et puis les flûtes en plus. Oui. D'accord, oui, je dis le synthétiseur pour le, comme toi, tu n'étais pas la batterie, donc forcément, tu t'occupes plus des machines et la flûte, bien entendu, parce que Aude, pendant ce temps-là, elle est sur la scène aussi, donc, et on a envie d'écouter sa flûte, hein, parce que, franchement, il faut quand même le dire, pour moi, c'est une des plus grandes flûtistes que j'ai jamais reçues, quoi. Franchement, et j'ai eu l'occasion de l'avoir dans plusieurs styles différents. C'est un plaisir de l'avoir sur scène. C'est parce que tu connais pas beaucoup de flûtistes, mais merci beaucoup en tout cas. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup non plus, mais si, il y en a quand même quelques-uns. Mais franchement, quand t'écoutes jouer, on voit que tu es à l'aise. Ça nous fait rêver. C'est léger, ça part dans tous les sens. C'est super bien, quoi. Moi, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup comme ça. Hein, en tout cas. Voilà, je vais faire intervenir une autre personne qui est dans les studios depuis quelques temps. Déjà, elle n'a pas encore parlé. C'est Teresa, ça va Teresa? Bonsoir, oui, très bien, merci. Alors toi, tu avais fait une émission sur Radio Arc-en-Ciel pendant pas mal de temps, et puis tu avais envie de revenir, donc je me suis dit, tiens, je vais t'inviter et tu vas découvrir avec moi le groupe Oniris. Revenir, je ne sais pas trop si c'est le mot. Ouais, mais revenir dans les studios déjà, j'avais beaucoup de personnes qui demandent parce que je disais voilà, je reviendrai après les vacances. Le temps passe très très très vite et je n'ai pas eu encore l'occasion de venir. Et c'est vrai que ça a été cette opportunité que tu m'as donnée de reprendre un petit peu contact, surtout avec vous, les animateurs, mes collègues finalement, parce que oui, les années passent, toi tu disais 14 ans. 14 ans, oui, bientôt, hein, ça sera au mois de juin, mais on est dans la 14e année, effectivement. C'est incroyable, parce que j'étais là avant que tu arrives, mais je pense que... Je me souviens que tu travaillais déjà ici à la radio lorsque dans ta... Oui, moi j'ai fait une première venue de 84 à 88 avec deux émissions et après pendant un moment plus rien et puis je suis revenu en 2010. Donc on est bientôt en 2024 donc ça fera 14 ans donc après avoir fait un tour dans d'autres radios comme moi, je suppose. Non, pas du tout. Non, j'ai mis un stand-by complètement et c'est Manuel l'animateur de l'émission précédente de Scoubert qui m'a dit tiens Albino, ça te dirait pas de faire une petite émission, et puis je préparais une émission. Puis on en a fait 575. Voilà, donc ce lien avec le public, il est très très important, et souvent les personnes nous voient et demandent quand est-ce que vous venez à la radio. Les moyens de communication, ils ont énormément changé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de contacts avec les personnes par via Internet, par mail, les contacts instantanés, les conversations instantanées. Et voilà, est-ce que tu es toujours à la radio ? J'ai eu la chance, la direction de la radio qui a laissé la page Facebook qui correspondait à l'émission. Mmh. L'ère du temps. En fonctionnement, qui est toujours animé. Et je peux parfois faire des lives aussi. Mmh. Et Noël arrive, mmh. Et c'est une période très très particulière, et je voulais vraiment en particulier profiter de ce moment pour m'adresser à tous les Portugais. D'accord. Les lusophones, bah oui, je pense qu'ils écoutent tous Radio Arc-en-Ciel, hein. Quelque chose me dit que les Portugais écoutent Radio Arc-en-Ciel. Voilà, que ce sont ces périodes de festivité qui rendent parfois un peu nostalgique, mais Noël, c'est la fête de la nativité, c'est l'amour, c'est, voilà, que l'on fête en famille. Après les fêtes d'année qui viennent juste après. Et parfois on a du mal à être éloigné. Alors le Portugal aujourd'hui c'est très près, on communique facilement, on voit les choses quand même, c'est différent. Hein. Ouais, c'est différent d'une certaine époque où on était complètement coupé du pays, puis là maintenant c'est vrai qu'avec Internet tout ça on est au courant de tout ce qui se passe là-haut directement. Voilà, les émissions radio, télévision qui nous approchent. Alors tous les Portugais, alors je notais des pays parce que j'ai eu des rencontres parfois au cours de mes déplacements vers le Portugal. J'ai rencontré par exemple une dame qui était native du Luxembourg. Voilà, ça me vient en ce moment très particulièrement parce qu'elle me disait, mais elle était au courant que voilà, j'étais formée en coaching et que je m'intéressais à la sophrologie, et elle me dit, mais venez travailler avec nous, venez travailler en Luxembourg. D'accord. Et je ne connaissais pas la raison pour laquelle elle me disait ça, mais c'est facile pour vous. Et elle me disait, je suis mariée avec un Portugais. Et là, à ce moment-là, elle était seule, et elle me dit, j'adore le Portugal, on a acheté une maison au Portugal, j'y vais en vacances, et mon mari, il est adorable, voilà, un Portugais. Elle était vraiment amoureuse de son mari, parce qu'elle était, elle avait déjà un certain âge, et voilà, elle a essayé de m'expliquer le fonctionnement au Luxembourg, mais ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire que toutes ces rencontres que j'ai eu avec des personnes, c'est grâce aux émissions. Mmh. Oui, c'est radio, vrai, ça permet de rencontrer beaucoup de personnes. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que là, ça tombe bien, parce que justement, notre cadeau un petit peu de Noël, c'est de recevoir le groupe Oniris ce soir dans l'émission Mavrika. Voilà, donc. Voilà, parce que je ne voulais surtout pas laisser. On a toujours des choses à dire, mais j'ai été contagiée par cette. Lorsque Aude parlait. Mmh. J'ai essayé d'intervenir parce qu'elle dégage quelque chose d'extraordinaire. C'est très très positif. Et alors, oui. Je disais hors antenne tout au début de l'émission, c'est vraiment, je suis très très heureuse d'être ici parce que c'est un univers qui me correspond. Je n'y attendais pas. J'ai écouté un petit peu avant le travail qu'ils ont fait, et j'avais peur de parler avec Aude parce que je me disais, ça va être quelqu'un de très... Tu intimides tout le monde, hein. Alors que j'ai jamais mangé personne. Non. Oui, elle est très douce, très gentille, mais c'est impressionnant parce que ils font des choses tellement, c'est tellement beau, ce qu'ils font tellement élaboré. J'ai essayé de voir si elle me donnait une définition justement de son genre musical, et elle dit finalement oui, on ressemble à personne, hein, c'est très très original, mais en même temps elle dit des sonorités un petit peu traditionnelles en faisant référence à alors je crois que vous parliez de musique du folk, non, des influences. C'est dans l'autre groupe dont on parlait. Celtic Crack. Ouais, le groupe dont parlait Albino, qui est un groupe de musique du monde, qui est plutôt tendance, effectivement, folk, celtique. Oui, parce que t'as plusieurs cordes à ton arc. On parlait tout à l'heure de Nathalie qui est danseuse, qui est peintre et tout ça. Toi aussi, tu es écrivain. Voilà, ouais. On va en parler aussi un petit peu. Écrivaine, ouais. Ouais. C'est vrai que, pendant un moment, on disait écrivain. Aujourd'hui, on dit écrivaine, et c'est moi qui mal dis les choses. Comme dans beaucoup de trucs, hein, aujourd'hui, hein. Ça m'en vient pas sur le moment. Ouais, mais la musique électronique, moi, j'adore, parce qu'on a comme référence en France, Jean-Michel Jarre. Parce qu'on est beaucoup dans tout ce qui est commercial, en fait, fin d'année, etc. Mmh. Mais il a fait des concerts extraordinaires. Ah oui, tout à fait. Oui. De fin d'année. Et j'ai appris avec la radio qu'on a des choses extraordinaires qui sont moins connues. Or, moi, lorsque impressionnant, c'est le travail, parce qu'elle parlait d'écriture. Et là, elle vient de sortir un livre, mais elle a déjà sorti d'autres. Ouais, là, on commence à dire des choses, mais on va lui donner la parole, justement. On va lui en parler tout à l'heure. Je propose qu'on écoute le morceau qu'on a programmé. On écoute Cosmos. Et puis après, si tu as envie de nous parler aussi de tes talents d'écrivaine, tu peux nous en parler un petit peu, quelques mots, justement, pour que les gens qui s'y intéressent puissent aussi aller voir ton travail, quoi. Faut pas qu'on oublie Thomas, quand même, on est venu à deux, donc. Moi aussi, oui, oui. Voilà. Bah, justement, il y a la place pour tout le monde, hein, dans l'émission Mavrica. Et puis, on a tellement de choses à dire que des fois, 3 heures, ça passe tellement vite, et on s'est dit, tiens, on a oublié telle chose. Donc là, on va essayer de dire les choses les plus importantes. Et si on n'a pas le temps, bah, vous reviendrez une prochaine fois, il n'y a pas de soucis. Vous êtes toujours les bienvenus dans l'émission Mavrica. On écoute tout de suite le morceau Cosmos, c'est le groupe Oniris. Donc le morceau qu'on vient d'écouter, c'est le groupe. Waouh, musique arrive très fort. C'est le groupe Oniris qui est notre invité ce soir dans l'émission numéro 575 de Mavrika. Ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on a encore plein de questions à leur poser. Donc on vient d'écouter le deuxième morceau de cet album. Est-ce que l'album a un nom d'ailleurs ? Alors, c'est plutôt un EP qu'un c'est album. C'est un EP, oui. C'est un 5 titres. D'accord. Mais après, c'est une question de temps. Hein. Si ça dépasse les 21 secondes, ça devient un LP. 21 minutes, pardon. Je sais pas si... Ouais. Bah, nous, le distributeur, c'est dans la catégorie EP. D'accord. OK. Donc, Non, parce qu'une fois, on s'était posé la question, on avait cherché, justement. Apparemment, si ça dépasse les 21 minutes, ça devient un LP. Si c'est moins de 21 minutes, c'est un EP. Ouais, bah c'est une question de durée, mais après. Comme dans le cinéma pour les courts-métrages ou les longs-métrages. Il y a une norme, mais après, bon, c'est sûr que après c'est aussi par rapport au nombre de morceaux, hein, je pense aussi. Hein. Mm. Donc, bon. Ok, donc, comment s'appelle le... Il a un nom. Daydream. Oui. Daydream, effectivement. Ah ouais, ça me dit quelque chose parce que je l'ai vu quelque part. Daydream, d'accord. Rêve de jour. C'est ça. Rêve de jour. Donc, tout à l'heure, c'était night. La nuit, ouais, c'est ça. Avec des rêves de jour, des rêves éveillés. Mmh. Donc, on est toujours dans l'univers du rêve, du voyage, etc. Donc, voilà. Justement, vous avez déjà fait des concerts donc, avec le groupe Oniris. Vous en avez fait combien ? On a dû en faire trois avec la sortie de résidence. Ouais, c'est ça. On a fait une sortie de résidence. On a fait un concert, vraiment concert. Ouais, à l'Argonaute. Ouais, on a fait aussi un concert privé. Mais bon, ça, c'était autre chose. Et puis, on a fait le spectacle à la rue Chansène. D'accord. Donc, ça fait plusieurs spectacles déjà. Est-ce que, par rapport au début, ça a évolué ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles idées ? Ou est-ce que vous continuez à suivre le même chemin qu'au départ ? Sur la mise en scène, ça bouge un petit peu. Enfin, c'est ça. Au niveau des lumières et puis la scénographie. Ouais. Même, tu vois, au niveau du maquillage, au début, nous, on était en noir et Nathalie, elle était en blanc. D'accord. Et en fait, il y a des gens qui nous ont fait des retours, comme quoi c'était dommage parce que du coup, en noir, on ne nous voyait pas, on ne voyait pas nos maquillages, etc. Donc, du coup, on a aussi fait évoluer la tenue de scène et le maquillage. Du coup, dans le spectacle qu'on a fait à la ruche, là, pour le coup, on a les maquillages blancs qui sont un peu phosphorescents, qui réagissent en fait au néon. D'accord, aux lumières noires, ouais. Aux lumières bleues, plus précisément, ouais. Elles sont bleues, mais on appelle ça des lumières noires, c'est ça. Ouais, mais je crois que c'est pas la vraie lumière noire, je crois, les néons. Ah, parce que la lumière, enfin bleue, qu'on appelle la lumière noire, c'est assez spécifique. Là, c'est juste des néons d'accord. bleus, je crois. Oui, ouais. Ok, parce donc que c'est vrai que des fois, il y a les néons qui font, on appelle la lumière noire, qui fait réagir justement des peintures ou alors des fois des gens. Moi, je me souviens dans les discothèques, il y avait ça, et puis quand on souriait. Il y a des dents qui... Mais justement, c'est pour ça, là, c'est juste un néon qui est bleu, mais ça d'accord. fait... Quand on sourit, on ne voit pas nos dents phosphorescentes. Ok. Ouais, c'est vrai que c'était un peu drôle. Hein. Et puis c'est pareil qu'on avait des pluches sur les pulls, on voyait que ça. Ouais. Moi, c'était les années 80 aussi. Hein, donc depuis, ça a évolué. Et puis il y a forcément, avec les LED, avec toutes les nouvelles technologies, ça a évolué aussi à ce niveau-là. Donc ça fait réagir quand même vos peintures, vos maquillages, mais sans exagérer, quoi. C'est ça, sans exagérer. Ça, c'est léger. C'est ça, c'est léger. On est dans un univers quand même qui est un peu bleu foncé, ben, comme la nuit, avec pas mal de bougies. Et, la scénographie, elle évolue, elle n'est pas encore terminée. On travaille encore dessus, on doit avoir une résidence au mois d'avril ou mai, je sais plus, à cheval sur avril-mai, à Saint-Jean-de-Bray. Pour travailler justement un petit peu la scénographie, les lumières, etc. Le spectacle peut tourner en tant que tel, hein, mais c'est vrai que c'est la chose qui va continuer d'évoluer. Là, la musique, c'est à peu près monté quand même, de A à Z. Ça, le spectacle, vraiment, en termes musicaux, il dure une heure. D'accord, c'est la question que j'allais vous poser justement, quelle est la durée justement, parce que il y a que ces cinq morceaux là ou il y en a d'autres, ou alors vous les faites durer plus longtemps, bien entendu. Il y en a qui durent plus longtemps, mais non, on a une dizaine de morceaux. Ouais. D'accord, en tout vous avez une dizaine. Oui, on en a d'autres. Ouais. Très bien, donc voilà, ça donne envie d'aller vous voir, et ça va être au mois de, vous m'avez dit quand ? Non, bah là c'est une résidence, c'est privé. D'accord, c'est privé. C'est pour travailler en fait. Non, malheureusement. Mais après, vous faites pas en fin de résidence un concert justement ? Peut-être, on verra. Restitution. On fera peut-être une restitution, voilà, mais pour le moment malheureusement on n'a pas de date de concert. D'accord. On en cherche comme beaucoup d'artistes en ce moment. Et puis c'est pareil, c'est un spectacle quand même, ça se prête pas, vous pouvez pas jouer dans des petites salles, c'est quand même déjà une scène, il faut une scène pour ah pouvoir oui. vous exprimer. Ah bah, ne serait-ce voilà. que pour Nathalie, on Donc a ça, besoin ça... d'avoir. Alors on peut jouer en fait à même le sol, parce que du coup, nous dans l'idéal, c'est dans le noir pour les jeux de lumière justement. Après, comme on a aussi tout ce rapport avec la nature, on peut jouer en plein air. Pas en hiver bien sûr, hein. Mais on peut jouer en plein air l'été. Donc ouais. ça c'est aussi, on cherche aussi des lieux, des festivals, etc. Qui font des choses en plein air, même le sol c'est possible. Mais c'est vrai qu'à minima l'idée c'est qu'on ait quand même au moins 20 mètres carrés d'espace pour que nous on puisse se poser. On a quand même pas mal de matériel et puis il faut un petit peu de place à Nathalie pour qu'elle puisse danser. 20 mètres carrés c'est le minimum, on a fait des tests. D'accord, donc vous avez mesuré, dit voilà il faut un peu cet espace là et puis vous, la mise en place justement du matériel, vous voyez où elle va danser, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça fait quand même 20 mètres carrés, c'est un minimum. Parce que sinon après il y a des risques d'accidents qu'elles viennent sur vos instruments, bah, etc. Après, il va avoir du mal à s'exprimer aussi. Oui, c'est ça. Ah, bah oui, ça c'est. C'est ça. Mais donc, il faut quand même une salle, une scène. Et c'est vrai que ça limite un petit peu parce qu'il y a des groupes qui arrivent à jouer dans les petits endroits, voilà, parce qu'ils bougent pas trop. Mais là, il y a quand même de l'expression corporelle. Donc, forcément, il faut une scène un peu plus grande. C'est plus difficile à trouver peut-être aussi. Mais enfin, vous nous tiendrez au courant justement de l'évolution. Et dès qu'il y a des dates, eh ben, on les dira aussi dans l'émission Mavrika pour inciter les gens à aller vous voir. Merci. Voilà. On parle bien dans le micro parce qu'il est légèrement tourné vers le bas. C'est que ici, voilà, tu disais un retour parce que Mavrika, pour moi, ça reste quelque chose où je m'y sens en permanence. Et le matériel, par contre, ici, il a totalement changé. Je m'attendais, voilà, oui, j'ai été un peu surprise. Des réflexes qui sont anciens, alors que tout a changé, y compris le. Le matériel. Ouais, la petite anecdote tout à l'heure, c'est que tu me disais, voilà, moi, j'attendais que la lumière on air s'allume, parce que jusqu'à présent, comme dans tous les studios, ben, il y a une enseigne on air qui s'allume, et là, elle est toujours là, elle est restée là, c'est une petite relique de l'ancien temps, mais elle s'allume plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans nos micros, il y a des voyants qui s'allument, donc c'est devenu beaucoup plus professionnel. J'ai Aude qui m'a aidé pour brancher le micro, etc. Et oui, ce que je disais, c'est que nous avons souvent ici des groupes qui, en avant-première, qui vont présenter leur travail. Bah, c'est aussi le but, hein, de donner envie aux gens d'aller au concert, aller les voir, ou alors quand il y a quelque chose qui sort. Par exemple, là, tout à l'heure, là, pendant qu'on écoutait la musique, il y a notre ami Christophe du groupe Prisma, je sais pas si vous le connaissez. Voilà, il y a le groupe Prisma qui va sortir un album, qui va venir très bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le 19 janvier, si je me trompe pas. Il viendra donc présenter son album. Il est déjà passé dans l'émission il y a pas très longtemps, de Christophe aussi, Christophe qui fait Electric Shock le mardi. Et donc bah Christophe, comme il va sortir un album, bah, il va venir dans l'émission pour en parler. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi ce soir avec Oniris. Donc c'est la découverte, c'est la première fois qu'ils viennent ici dans les studios pour nous parler de ce projet-là. On écoute les morceaux, on va prendre le temps de les écouter tranquillement, hein, on a le temps. Et puis on parle de plein de choses. Mais hein, ça me faisait sourire parce que je te voyais poser des questions. Ils ont déjà beaucoup travaillé, hein, ils ont 5. Et tu essayes de savoir, oui. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, parce que sont très bien, qui vont en entendre beaucoup parler. 5, c'est les enregistrements, voilà, qu'ils nous présentent. Mais effectivement, j'imaginais bien qu'il y en avait d'autres, parce que pour tenir une heure comme ça en concert, ils sont pas tous enregistrés, mais il y en a d'autres qui sont créés. Donc une dizaine de morceaux, c'est ce que vous m'avez dit, hein. Oui, oui, c'est ça, je crois, le setlist. Ouais. Très bien. Tout à l'heure, on avait parlé donc de tes talents d'écrivaine. Tu veux nous en parler un petit peu? Tu as sorti un livre dernièrement? Oui, mais je vais pas m'apesantir. Juste un petit peu. Ah non, ça nous intéresse. Voilà, ça intéresse. Non, c'est pas que ça je nous pense intéresse. Que ça intéresse tout le monde. Voilà. D'accord. Bah, j'écris par ailleurs, du coup, des poèmes notamment que on met en musique dans Oniris. Voilà, donc il y a quand même un lien avec Oniris, voilà. C'est ça. Et j'écris des romans depuis maintenant. Mon premier, il est sorti en 2015, donc voilà, ça commence à faire. C'est quand t'avais 15 ans, c'est ça? Non, je savais pas quel âge j'avais en 2015. Effectivement, j'ai un roman qui est sorti au mois de juin, un roman historique qui se passe dans la région orléanaise des années 50-60. D'accord. Ah bah je savais pas. Et qu'est-ce qui se passait justement pourquoi cette époque-là? Parce que c'est l'époque de la reconstruction, c'est oui. La présence américaine avec les bases de l'OTAN. Tout à fait, ouais. Et c'est l'arrivée du jazz à Orléans. Ah bah oui, c'est vrai, les musiques qui sont venues c'est bon, j'allais dire c'est grâce à non, c'est pas grâce à la guerre, mais c'est grâce à l'arrivée des Américains qui nous ont fait découvrir justement le jazz. Mais ça a favorisé ça oui, ça a favorisé etc. Mmh. Donc parce qu'avant effectivement on connaissait pas du tout la musique de l'autre côté de l'Atlantique, hein. Et c'est ce qui a fait découvrir aux gens justement cette musique et puis qui a fait qu'aujourd'hui on a quand même une culture très américaine aussi de la musique, hein, parce que il y a eu le rock and roll, le swing, il y a eu plein de choses qui sont venues après, et puis forcément on est très très très imprégné par la culture américaine aussi. Voilà. Alors on connaissait quand même le jazz avant-guerre, hein, oui. Mais c'était vraiment dans les milieux très c'est vraiment très élitistes, on va dire. Les initiés, ouais, les très très initiés. La guerre l'a rendu un petit peu plus populaire, mais ça reste quand même une musique ça n'a jamais été une musique populaire en France, enfin en tout cas dans ces années-là, je veux dire dans les années post-Seconde Guerre mondiale, ça reste quand même une musique pour des gens qui aiment cette musique. En France, c'était quand même le yéyé dans les années 50-60 qui était très très à la mode. Mmh, tout à fait, donc les artistes français qui reprenaient souvent des morceaux américains, mais ils les traduisaient, hein, ils les faisaient en français. Mais c'était une mode en Europe, hein, parce que même en Europe de l'Est, aujourd'hui ils ont un catalogue de clips et d'enregistrements de standards de rock des années 60-70 chantés dans les langues d'origine. En République tchèque ou en Pologne, c'est assez rigolo de voir des morceaux qu'on connaît super bien en anglais qui sont chantés en tchèque par quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu cette habitude en France, parce qu'à l'origine on traduisait les textes, et puis ça nous a au moins permis de découvrir des mélodies qui venaient d'ailleurs, qu'après on a découvert les versions originales et on s'est dit c'était pas si mal que ça aussi, les versions originales. Mais il y a certains pays qui justement traduisent. Voilà, il y a des gens qui, par exemple en France, on aime bien aujourd'hui, hein, écouter les versions originales. On va chercher un peu les trucs originaux, tout ça. Dans d'autres pays, non, ça marche pas. Il faut que ce soit traduit dans la langue. Par exemple, il y a les titres de films aujourd'hui, de plus en plus, c'est des titres américains. C'est en anglais. On traduit plus. À un moment, on le faisait, on le fait plus. On fait plus l'effort. En Espagne, par exemple, on traduit tous les textes. Et tous les titres. Mais même il n'y a pas des un fois, titre en anglais. Parce que là-bas, non, ils sont encore avec leur langue à eux, donc ils traduisent les choses, quoi. Mais en France, on fait même pire, parce que des fois, on sort des films américains avec un nom anglais, enfin anglophone, mais qui n'est pas le nom d'origine, comme c'est sorti aux États-Unis. D'accord. On donne un nom anglais, mais c'est pas le nom d'origine. On des va fois. Faire plus anglais que les Anglais, quoi. C'est ça. Plus américain que les Américains. Il y a encore des pays où, en Pologne, par exemple, parce que j'y vais de temps en temps, j'ai des amis là-bas, c'est assez particulier le cinéma ou la télévision, parce que eux, il y a pas de version polonaise. C'est-à-dire, ça existe pas le fait de sortir un film dans une version polonaise. D'accord. Par contre, tous leurs films et téléfilms sortent en version originale avec ce qu'on appelle un lector. C'est quelqu'un qui traduit instantanément Les textes. Ah oui, en direct. En direct. Ouais. Donc en fait, quand on regarde un film, on a le son oui. de la langue originale derrière et par-dessus, on a le gars qui parle en polonais et qui fait tout, hein, qui fait tous les dialogues. Il n'y a pas de voix de machin. Il y a un seul mec avec une voix monocorde pendant tout le film. Mais t'as encore l'audio. J'étais tombé sur Pearl Harbor comme ça en Pologne où t'entends les dialogues originaux derrière et par-dessus, t'as le mec qui parle en polonais qui est en train de tout traduire. Ouais, c'est vraiment avec un son. Il traduit bêtement. Il a pas d'intonation. Il est en train de lire. En fait, on a l'impression qu'il est en train de lire. Il y a des pays comme ça. Ouais, j'ai déjà vu ça. J'ai eu l'occasion de découvrir ça aussi. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que nous, en France, c'est vrai que on traduit les textes. Des fois, si on fait pas attention, c'est tellement bien fait que même les acteurs américains avec les voix françaises, ça passe très bien. On s'en rend même pas compte. Mais bon, dans tout pays, il n'y a peut-être pas les mêmes moyens ou je sais pas. C'est une autre culture. C'est une autre culture, ouais, ils sont habitués comme ça. Une autre habitude en plus. Comme C'est ça, ils doivent être habitués. Hein. Parce que quand tu les vois, ça ne les choque pas. Non. Moi, j'ai connu à une époque, c'était au Portugal, les films américains n'étaient pas traduits. Donc il y avait toujours la version originale et il y avait la lecture en dessous. Ouais. Donc c'était un peu compliqué. Il fallait déjà, surtout pour moi qui devait faire abstraction de langue anglaise et de lire en portugais, donc pour comprendre ce que ça voulait dire. Donc c'est un petit peu et c'est compliqué aussi de lire. On n'a pas le temps de tout voir en même temps. Donc après c'est une histoire d'habitude. Après je crois que c'est une habitude. Aujourd'hui, au Portugal tout est traduit. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai connu le début de la télévision. C'était un peu ça. Hein, c'est pas vraiment mais bon justement ils aimaient beaucoup les téléfilms brésiliens qui eux parlaient déjà la langue portugaise mais sinon tout ce qui était anglais c'était pas traduit il y avait les sous-titrages voilà. Ça se fait beaucoup le sous-titrage oui moi je regarde après ça peut être bien aussi moi je le vois aujourd'hui dans toutes les tous les sites où on peut voir les téléfilms et tout ça alors des fois c'est drôle parce que moi je connais une personne qui regarde ça, regarde par exemple les téléfilms turcs, mais traduits en espagnol. et voilà, et puis ça passe, et puis donc il y a le sous-titrage en espagnol, et il parle en turc. Ou alors il y a aussi des trucs qu'on peut modifier carrément et entendre le son dans la langue qu'on veut. Voilà, c'est. Ça traduit un petit peu cet intérêt pour l'émission Mavrika, où on disait il y a des choses tout le monde connaît dans cette aspect commercial où on parle, on va matraquer les gens avec quelque chose. C'est impossible de passer à côté. Et puis nous avons cela aussi, c'est-à-dire une qualité extraordinaire. Alors, on a du mal à savoir où ça se trouve, donc il faut chercher. Il faut écouter des émissions comme celle-ci. Oui, il faut chercher. Ouais. Il faut se donner la peine. Il faut aller au concert aussi, découvrir des artistes justement qu'on connaît pas forcément avant le concert. Et on vient. Il faut aller sortir et puis se dire qu'est-ce qu'il y a ce soir. Tiens, tel groupe. Oh, on va aller voir. Okay. Je connais pas. J'en ai jamais entendu parler, mais ça serait bien d'aller découvrir. C'est vrai qu'on arrive à trouver des éléments comme sur les groupes. Là, je cherchais sur Oniris. Oniris, j'ai très bien retenu le nom, par contre. J'ai toujours du mal. Et là, Oniris, ça sonne très, très bien. Et je dis, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'était déjà un groupe très, très connu. Voilà, c'est apparu comme quelque chose. Je ne sais pas si tu connais, toi qui connais un petit peu la culture portugaise, il y a un artiste qui s'appelle Oniris au Portugal, mais avec un O. Ouais. Tu le connais, non ? Et lui, il mélange aussi les musiques avec les samples très électroniques, avec le rap aussi. Non, je ne sais pas s'il fait du rap. Non, c'est plutôt très électronique. Quelque chose, très électronique. Parce que ici, ce que j'ai écouté, c'est vraiment cette originalité à laquelle ils ont l'air de tenir et ont raison. Bah, ils ont raison. On écoute. Alors, moi, par exemple, je suis il y a très peu de temps. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, alors j'étais très très très heureuse, ça intéresse l'émission, forcément moi je n'ai plus d'émission à la radio en ce moment, mais il s'appelle Georges Nove. Georges Nove, c'est un jeune homme qui a travaillé au Sanctuaire de Lourdes, il est d'origine portugaise, et ce qui m'a interpellée, c'est qu'au bout d'un moment il me dit, mais je suis née à Orléans. Et je trouvais ça incroyable. Alors, il est dans cette musique électronique. La presse elle s'est intéressée à ce qu'il faisait. D'accord, c'est un musicien aussi, alors. C'est un musicien. C'est quelqu'un qui a eu un peu de temps, là, pour des raisons personnelles, un peu plus de temps, et il a pu se dédier à la musique. Il sait très, très, très bien ce qu'il fait. Mais il est vraiment catégorisé dans la musique électronique. C'est vraiment la musique électronique, dance, voilà. Ah oui, c'est carrément dance, ouais. Exactement. D'accord. Alors que là, ça n'a strictement rien à voir, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est le monsieur à côté, Thomas, je n'osais pas prononcer le prénom de Thomas. Thomas, je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est cet instrument? Lorsque j'entendais Cosmos, ça sonne très très bien. Et j'entendais, et il me semblait que c'était autre chose. Il me disait, c'est un clavier. Ah, et je dis, c'est pas possible. Il dit, si, c'est un clavier. Ah oui, aujourd'hui avec les claviers, on fait plein de choses. Hein. Alors que ça ressemblait plus à une harpe, à un instrument à cordes. Mmh. Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'écoute. Ah, on est très. Il faut prendre du temps, il faut écouter. C'est merveilleux ce qu'ils font. Je suis vraiment sous le charme. Bah, très bien, on est content que ça te plaise. Ah, oui. Et justement, on espère que ça plaît aussi aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica. Et aux auditrices, bien entendu. Bien sûr, quand je dis auditeurs, c'est général, mais bon. C'est mon côté féministe. Surtout les auditrices, d'ailleurs. Hein. Voilà. On parlait de Thomas. On va écouter un petit morceau et ça va lui rappeler quelque chose. Bon, on va l'écouter en entier. Hein. Allez. Voilà, donc un morceau des Chaos, hein, c'était un petit peu normal de diffuser aussi, parce que c'est un groupe que j'ai suivi pas mal de temps. Et c'en est où finalement le groupe Chaos? Bah Chaos, ça s'est arrêté. Je crois que Fabien et Christophe, ils doivent continuer encore à se voir et à faire un d'accord. peu de musique, mais sinon après... Ouais, donc moi j'ai vu, c'était dernière publication 2022 ou un truc comme ça. C'est donc ça, depuis il n'y a plus rien. Et par contre vous avez fait des super concerts, vous avez fait. Bah en fait moi j'étais pas le batteur d'origine, enfin j'étais pas avec eux au début en fait. Au départ. Donc, ouais. Du coup là sur l'enregistrement c'est pas moi en fait, c'était l'autre batteur en fait. D'accord. Après il est parti parce que pour les études, enfin il est parti ailleurs. Après je suis revenu avec eux. Parce que là il y avait aussi le violon. Hein. C'est vrai qu'il avait été abandonné après. Donc elle s'appelait comment la violoniste? Je crois que c'était Agnès. Mais Agnès. Il me semble. Ouais. Oui, il me semble aussi. Donc elle était venue ici avec son violon. Et effectivement il y a une deuxième partie. Donc un peu plus tard, elle faisait plus partie du groupe. Ça, donc ils ont continué. Le style avait légèrement changé, mais bon c'était toujours aussi agréable en tout cas. Ouais, parce qu'elle est partie dans le nord aussi, je crois maintenant Agnès. Oui, je crois qu'elle a un projet aussi là-bas. Ouais. On a échangé un petit peu sur Facebook aussi. Donc, je pense que ça s'appelait Arkbag, son groupe. Oui, je me souviens plus exactement, c'est vrai. Mais bon, peut-être on aura l'occasion de les recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ce serait bien. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir de partout. Hein. C'est vrai que la plupart du temps, c'est des gens de la région orléanaise, parce que c'est le plus près. Hein, mais bon, s'il y a des gens qui veulent venir de Polynésie ou des États-Unis, ils seront les bienvenus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour notre émission. Hein. Et il y en a déjà qui sont venus de Belgique. Hein. On a quand même de la chance. Et puis on a interviewé aussi des groupes espagnols. Donc voilà, on est ouvert. Hein. On sait très bien que sur Orléans, il y a de très bons artistes qu'il faut mettre en valeur. Mais il y en a aussi, je crois qu'il faut, partout, faut qu'on soutienne vraiment les groupes locaux, parce qu'il y a plein de grands talents, et puis c'est pas forcément en étant à Paris qu'on est meilleur que les autres. Hein. Ça, voilà. C'est sûr, hein. Bon, on en parlait un petit peu hors antenne justement de tout ce qui se passe en ce moment aussi, du secteur culturel qui est quand même très très touché par le post-Covid, avec beaucoup moins de subventions, beaucoup moins d'argent. Et en fait, ça se traduit aussi par justement ces artistes locaux ou les artistes un peu de niche qui tendent à disparaître, parce que c'est ce que la grande distribution nous vend qui est populaire et qui a de la place, et qui du coup, comme il y a moins d'argent, les festivals ont besoin de remplir, et donc ils prennent des artistes justement qui sont un petit peu plus populaires. Mmh. Donc déjà juste pour ça, nous on te remercie d'être là, parce que quand on est artiste comme ça, catalogué locaux entre guillemets, c'est important de pouvoir être écouté, de pouvoir parler, de s'exprimer. Et c'est vrai qu'on traverse une période difficile. Je pense que il y en a eu d'autres, hein, dans la culture, dans l'histoire, mais c'est pas que nous, hein. Je veux dire, là je parle au nom de beaucoup d'artistes qui ont des annulations sur annulations en 2024 de dates, qui ont du mal à trouver des concerts. C'est vraiment une période difficile, et effectivement c'est important que les gens ils entendent que il faut qu'ils aillent au concert, et que c'est ça qui fait vivre les artistes et qui fait qu'on va continuer de les programmer. Parce que si les gens se déplacent pas au concert, les salles ferment, les villes réduisent le budget culturel et arrêtent de programmer des artistes, et du coup ces artistes là ils ont plus de place. Il ne reste que ceux qui font les gros zéniths ou les gros festivals, et on va pas se mentir, ceux-là en général ils peinent pas. Non. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on continue à encourager ceux qui ont déjà des moyens, et puis ceux qui voudraient se développer, même s'ils ont autant de talents. Hein. Pour moi, moi des fois je vais à des concerts, les gens ils me disent ouais mais je connais pas tel groupe, je dis mais tu peux pas savoir. Moi des fois j'ai autant de plaisir à aller voir des petits groupes que des grands groupes qui sont reconnus, etc. Donc voilà, c'est pas une question de voilà, on arrive à s'imprégner, il y a un style qui nous plaît, on arrive à rentrer dans l'ambiance, et puis moi je vais voir des fois les petits groupes dans des petites scènes, et purée, j'ai un plaisir fou. Et puis il y a aussi les poils qui se redressent, hein, dans ces cas-là. Il y a pas seulement les grands, hein. Et puis après et en plus souvent, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je reçois beaucoup d'artistes, ils font des concerts, c'est pas une fortune non plus. C'est pas comme quand on va aller voir David Guetta et qu'il faut payer 178 francs euros, pardon. Et c'est revendu aujourd'hui 500, hein, des choses comme ça, quand c'était pour Chambord. Donc ouais, mais il a son talent. Je vais pas critiquer tel ou tel artiste, mais vous croyez que vous allez avoir plus de bonheur musical avec cet artiste-là qu'avec un autre qui peut être beaucoup plus à notre portée, parce qu'il est moins connu, mais qu'il a presque autant de talent, quoi. Voilà. on peut dire ça. C'est beaucoup plus chaleureux aussi, les petits concerts, les petites ambiances. On est plus en contact direct avec l'artiste aussi. C'est pas parce qu'un artiste passe sur des radios nationales ou fait des zéniths qu'il est déjà qu'il est talentueux tout court. En fait, il arrive à vendre son projet. C'est pas la même chose de vendre ce projet, d'avoir du talent. Hein, aujourd'hui, c'est quand même deux choses différentes. Mmh. Et malheureusement, ce qui se dessine depuis les débuts des années 2010, c'est quand même que ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu aujourd'hui, c'est, bon, je suis désolée de dire ça, hein, je vais pas me faire que des amis, c'est pas forcément les artistes talentueux, mais c'est ceux qui arrivent à vendre vraiment leur projet, qui ont un truc qui marche et qui rentre dans une case, hein, parce qu'on écoute aujourd'hui les radios nationales. Hormis quelques-unes qui sont un petit peu plus identitaires, sinon on entend quand même un peu la même soupe partout. Mmh. Et voilà, du coup, bah, les concerts, les festivals, les machins, c'est que ces gros trucs qui passent à la radio. Et il y a beaucoup moins de diversité qu'on a pu l'avoir par le passé. Mmh. Tout à fait, on en parlait encore la semaine dernière. À une époque, il y avait des émissions comme, je dis n'importe quoi, c'est Dimanche Martin, par exemple, avec Jacques Martin, qui présentait aussi bien la musique classique que de la variété, que du rock. Il y avait tout dans cette émission. Aujourd'hui, les émissions sont plutôt avec tel ou tel style. On mélange pas les choses entre elles. Et c'est un petit peu dommage parce que justement, comme on disait au concert, on va aller voir tel artiste et on en découvre d'autres. Là, c'est pareil. On peut très bien aimer telle ou telle musique. On va regarder cette émission-là. On va écouter de la musique classique. Ouais, bah, ça va nous... C'est toujours bien d'écouter de la musique classique. C'est toujours bien de découvrir d'autres artistes. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une autre chose. Mais il faut quand même écouter. Se faire une idée par soi-même et pas forcément se faire dicter parce que finalement c'est ce qui se passe, hein, on rabâche des chansons à longueur de journée qu'on finit par aimer parce qu'on connaît que ça. Puis il y a aussi un effet qui n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a aussi des artistes qui n'existent que sur la toile parce que ils savent pas faire de scène. Il y a aussi l'avènement de l'autotune qui a quand même permis à énormément de monde d'être un super chanteur sur Internet. Non mais je dis les choses, hein, en général, j'ai cette réputation ce que tu dis, c'est vrai. Et puis il y en a aussi certains, on a l'impression qu'ils chantent dans des aquariums parce que l'autotune ne sert pas seulement à corriger leur tonalité, mais carrément à modifier leur son, leur voix. Exactement. Donc, on dit, mais il est dans un aquarium ou il est dans sa baignoire. Et puis en fait, ces gens-là, si on les entend, quand on les entend en vrai. Après, il y en a certains quand même qui le font bien. Alors, il y en a qui le font très très bien. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais malheureusement, il y en a quand même qui bénéficient d'un aura et d'une image et qui sur scène. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui existait moins avant. C'est-à-dire que même avant, un artiste qui passait à la radio, c'était un artiste qui faisait avant tout des concerts et de la scène. Et aujourd'hui, on a quand même. Il y avait eu quand même une chanteuse française comme ça qui avait fait un gros bide, je sais plus comment elle s'appelait. C'est pas Chala. Chala qui a eu un souci comme ça. Et c'est très, très, très intéressant. Elle chantait juste nous, il y en a. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a aussi des artistes qui arrivent à se développer exclusivement sur la toile, qui arrivent à fonctionner très bien via YouTube, les plateformes de streaming, mais qui ne font pas de concert. D'ailleurs, il y en a, c'est un choix aussi. Et inversement, il y a aussi des groupes qui sont reconnus, ils font des concerts de malades et on n'écoute jamais dans les radios. C'est rare, et pourtant il y en a certains qui tournent, ce sont des vrais musiciens, ils font des concerts sans arrêt. Les gens le savent parce que on n'a pas. Des fois, il faut aussi court-circuiter certains médias en se disant, tiens, non, moi, je vais voir tel groupe parce que ce groupe-là, un tel m'en a parlé. Et voilà, il faut parler aussi entre nous et se dire, voilà, ça vaut la peine. T'aimes bien ceci de là. Écoute tel groupe. Si t'as l'occasion d'aller le voir, va le voir sur scène parce qu'il y a des groupes qui vivent, heureusement. Grâce à ça, parce que c'est pas, on leur fait pas la courte échelle dans les radios ou quoi que ce soit. Hein. Ils se sont fait eux-mêmes et c'est leur mérite. Hein. Puis il y en a aussi qui boycottent en fait, tout simplement YouTube, toutes les plateformes de streaming. En même temps, quand tu vois ce que touche un artiste quand sa musique elle est déposée en streaming, c'est quand même ridicule. C'est pas avec ça qu'on va vivre. En plus, la Spotify a changé sa politique à partir de janvier. Ils vont rémunérer les artistes s'ils ont plus de 1000 streams par an. Donc c'est une manière de faire des économies, mais qui fait que plein de petits artistes qui vont pas dépasser le quota ne seront plus rémunérés pour leur musique. Donc il y a des artistes aussi qui volontairement boycottent toutes ces plateformes parce que ils veulent pas jouer le jeu du Bah, en fait, on est dans la société de consommation de la musique. Hein. Voilà, donc ça, c'est incroyablement bien dit, parce que on a plusieurs choses là qui apparaissent, et moi, je pense que c'est surtout à nos dirigeants qu'il faut s'adresser en premier, plutôt que essayer de culpabiliser finalement celui qui va pas au concert, parce que on rêve tous d'aller au concert. On aimerait tous aller au concert. Alors souvent, on se dit c'est trop cher, parce que ce sont justement ces personnes qui sont très très connues. Hein? Et il y en a à qui c'est beaucoup plus accessible financièrement. On ne les connaît pas parce qu'on est hyper accaparé par le travail et on n'a pas forcément le réflexe d'aller au concert. Il y a aussi cette évolution technologique. Et là, d'accord, je crois que c'est le principal coupable finalement. C'est cette transition que nous vivons actuellement où les artistes y travaillent différemment. Alors, il y aura certainement cette nostalgie du comment c'était auparavant, parce que c'est toujours merveilleux, on a tous des merveilleux souvenirs. Et puis, c'est surtout les jeunes qui arrivent et qui n'ont pas connu autre chose. Donc, ce pas vers l'avenir, hein, vers où on est trop curieux, justement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va nous arriver, comment ça sera demain. Et il faut bien que nos artistes ils puissent continuer de travailler. C'est très très important. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a quand même un chamboulement au niveau de la manière de se faire connaître, etc. Mais si on réfléchit aussi, il y a déjà eu une révolution. Parce qu'avant, les musiciens, finalement, ils étaient troubadours, ils allaient à droite à gauche, ils se produisaient à tel endroit, etc. Il y a eu l'avenue de l'enregistrement, le disque. Mmh. Le disque a tout chamboulé. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont enrichis en étant musiciens sans jamais avoir fait de concert. Hein. Oui. Et donc voilà, il y en a, ils sont devenus milliardaires parce qu'ils ont fait un titre qui a marché dans toutes les radios, etc., et qui ne sont pas réellement des musiciens. Et inversement, il y en a qui ont continué à tourner et qui n'ont jamais été connus, et pourtant ils ont toute leur vie, ils ont fait des concerts, il n'y a peut-être pas le monde qu'il fallait parce qu'ils ne sont pas aussi médiatisés. Donc déjà, le disque, ça a été une drôle de révolution. Et aujourd'hui, on recasse un petit peu tout ça, et puis on refait des nouveaux standards. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu. Donc il faut réussir à s'adapter, quoi. C'est pas toujours évident. Onuris, il a beaucoup plus de chance qu'auparavant, qu'il y a 10 ans, de se faire connaître partout dans le monde. On pourra les entendre aux États-Unis, au Portugal, au Brésil, en Afrique, beaucoup plus facilement, grâce quand même aux moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Alors, en termes de revenus, je ne sais pas trop. Par contre, comment on va s'y retrouver dans tout ça? Parce que surtout les musiciens, comment se retrouver, parce que c'est bien d'être diffusé dans tous les pays tout ça, mais si après ils ont pas de revenus, il faut quand même qu'ils arrivent à vivre. Donc, alors ces fameux concerts online, en ligne, en direct, qui deviennent de plus, je pense que c'est ça l'avenir, hein. On va entendre. Il y en a qui l'ont fait pendant le Covid parce qu'on pouvait pas faire autrement. Il y en a qui ont eu l'idée de faire des concerts chez eux ou dans leur salle et puis le diffuser parce que on pouvait pas aller au concert. Mais ces groupes-là, ils sont contents aujourd'hui de refaire des concerts, et nous on est contents d'aller les voir parce que c'est quand même autre chose que de les voir sur un petit écran. C'est quoi. Pas pareil. C'est pas du tout pareil. T'as pas l'énergie en fait que t'as sur la... Ah oui. Puis t'as pas le même son. Il y a le son, la salle, les lumières. Les odeurs même. La bière. La bière, les gens à côté, on entend les chants, on entend les réactions. C'est ça. Parce que c'est vrai que ça influence aussi, parce que quand on regarde finalement juste une scène, on voit les gens sur la scène. Mais quand on a des gens à côté qui se mettent à danser, on dit, waouh, ça on voit, et puis ainsi de suite, on voit que ça permet de voir que les gens, ils aiment, donc on dit, ouais, tout le monde aime, tout le monde applaudit, ouais, donc ça nous donne une ambiance supplémentaire, on a envie d'applaudir encore plus fort, et puis ça booste aussi les artistes qui sont sur scène, donc c'est un ensemble, hein. Donc il faut c'est une communication en fait, une communion avec le public quand on est sur scène, hein. Moi avec Celtic Rock, on a eu la chance de faire partie des groupes que le Loiret a enregistré dans la série de concerts qu'ils ont fait là en ligne. Ça s'appelait La Mélodie du Loiret. Je sais plus, on devait être le troisième ou le quatrième groupe, et on avait été enregistré dans l'église de la chapelle Saint-Mémin. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre de faire un concert et en fait à la fin du morceau il y a rien, il y a un vide, et d'habitude ce qui porte c'est vraiment les applaudissements, le rapport avec le public, et là non, faut enchaîner parce que de toute façon c'est un concert qui fait 15 minutes. D'accord. Par contre, l'endroit, c'est peut-être super de faire ça dans une église aussi. Ah ouais, c'était chouette. Ah ouais. Et puis, encore une fois, on est très reconnaissant parce qu'on a vraiment eu de la chance. On n'est pas beaucoup d'artistes à avoir pu jouer pendant le. C'était pendant le deuxième confinement, en novembre 2020. Et non, on avait eu de la chance de. On avait eu de la chance de pouvoir faire ça. Hein. Mm-hmm. On est très contents, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. On parle de Celtic Rec et justement j'ai un morceau que j'ai calé et puis je me suis dit on va quand même envoyer un petit morceau parce que on a passé tout à l'heure Chaos, un groupe qu'on a suivi longtemps, etc. Le groupe Celtic Rec a aussi participé à une émission Mavrica, je me souviens plus quel numéro, mais on avait passé un bon moment, j'ai été vous voir sur scène et tout ça, donc j'ai franchement adoré. Moi déjà, je sais pas, je crois que la musique irlandaise, la musique celtique en général, je crois que ça touche un petit peu tous les gens, hein, parce que c'est quand même des super mélodies, des super interprétations, des instruments, la harpe, la flûte, tout ça, c'est des super trucs, et je crois que ça touche tout le monde, et moi j'ai beaucoup aimé ce groupe-là, donc on va écouter un petit morceau de ce projet. Tu nous en parleras tout à l'heure si tu as envie aussi de développer un petit peu sur le groupe Celtic Rec. Donc le groupe Celtic Rec avec un morceau qui s'appelle Far West Celtic, voilà. Donc c'est vrai que on oublie voilà le côté Far West aussi. On oublie aussi que dans la musique américaine, il y a aussi une influence de musique celtique qui est arrivée. Hein. Ah bah dans la musique country, en fait, la version de la musique irlandaise qui a été adaptée aux musiques sur place. Hein. Après c'est vrai que on s'appelle Celtic Rec, mais on en discutait justement en antenne avec Thomas qui me demandait si on faisait des festivals de musique celtique. Non, en général, sur les festivals de musique celtique, ils trouvent qu'on fait pas de la musique celtique. D'accord. On fait plutôt de la musique du monde avec des instruments celtiques, folk éventuellement, mais c'est vrai que celtique, c'est quand même très, très, très, très, très cadré. Et bah là, rien que celui-là, on mélange. Alors ça, c'est on a beaucoup de compos. Hein. On mélange là du reggae, musique un peu américaine avec de la musique celtique. On fait beaucoup ça, beaucoup de mélanges de diverses musiques du monde. D'accord, donc c'est une fusion quoi finalement. Ah donc oui, avec mais bon, il y a ce côté celtique toujours mais qu'on retrouve déjà aussi dans les musiques comme on disait américaines ou dans plein de choses comme ça. Hein. De toute façon, forcément quand t'as une harpe celtique et puis après des petites flûtes irlandaises, même si tu joues autre chose, t'entends la sonorité. Ouais. Mais bon, après c'est sûr que la musique celtique comme eux ils cataloguent hein, parce que en France on catalogue toujours tout. Bon, ils pensent peut-être plus à des cornemuses ou des choses comme ça. Ouais, puis des choses du répertoire vraiment bien cadré quoi. Les musiques trad c'est quand même c'est beaucoup du bal, beaucoup de la musique à danser. Alors nous ça se danse mais pas vraiment en bal trad quoi. D'accord. Ok, très bien, mais c'était bien d'écouter ce petit morceau là en plus bien sympathique et bien entraînant qui nous a donné un petit peu envie de danser. On va continuer avec justement, on va aller dans la forêt. Le matin, c'est ça. Morning Forest, c'est le prochain morceau que j'ai programmé donc dans cette émission, parce que c'est vrai que l'émission avance très vite. Alors j'ai gardé vos morceaux pour garder un petit peu en suspense, mais là on a encore trois à diffuser, hein, donc on va pas s'attarder trop non plus. Donc le prochain morceau, vous voulez nous en parler un petit peu, non? Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce morceau-là? Morning Forest. Bah là, c'est l'inverse. C'est Thomas qui avait créé une base qui s'appelait Morning Forest. Et du coup, j'ai écrit un poème dessus. D'accord. Trop de choses à rajouter, non? On l'écoute. Ouais, écoutons-le. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est parce qu'on parle, on fait les gens qui nous écoutent imaginent des choses, mais finalement, au bout d'un moment, ils ont envie de l'écouter. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On l'écoute ce morceau qui s'appelle Morning Forest et c'est le groupe Oniris. Existait dans le cœur des humains et qui subsiste dans celui des animaux. On entend le bruit des oiseaux et tout ça. On est dans la forêt, donc super agréable. On est sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Marika. Et ce soir, nous recevons le groupe Oniris. Donc on a écouté le morceau et puis voilà, on le réécoute à nouveau. Encore je me dis tiens, ça, c'est pas fini. Bah si, c'est fini, mais le morceau s'est renchaîné, voilà. Donc on est dans l'émission Mavrica, le groupe Oniris est dans les studios, représenté par deux des membres, Aude et Thomas, qui sont ici dans les studios et qui nous parlent donc depuis tout à l'heure de cet univers. Et justement, je regarde un petit peu les commentaires parce que je remercie déjà tous les gens qui suivent l'émission Mavrica et aussi ceux qui nous laisse des petits messages sur le Facebook de l'émission Mavrica. Donc c'est Mavrica Albino, vous allez sur Facebook, vous trouvez facilement, c'est le site officiel. Et dessus, vous avez le programme de tous les morceaux que nous diffusons dans chaque émission. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits j'aime, et puis aussi j'ai des petits messages. Donc il y a Marilyn, entre autres, qui dit « c'est très touchant ». Voilà, elle écoute le morceau depuis tout à l'heure, les morceaux depuis tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on est imprégné dans un univers particulier. Le voyage, le... on parlait tout à l'heure tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on entend, les bruits des oiseaux, les bruits naturels qui sont avec la flûte, avec il y a tout pour rêver quoi, on est transporté quoi finalement. Voilà. Autre chose à rajouter sur ce morceau-là ? Alors, ça a été un peu. On a parlé en fait de l'équipe du live, mais il faut aussi qu'on remercie quand même Lamine Slyroots, qui est l'ingé son qui nous a enregistré, d'accord, qui a fait le mixage et le mastering, parce que c'était un vrai casse-tête. Ce qui est un peu compliqué dans ce groupe, c'est le mélange entre les instruments naturels, ben comme les flûtes ou la batterie, et les instruments électroniques, pour que chacun en fait réussisse à avoir sa place et que ça se fonde bien ensemble. C'était pas une mince affaire, il y a passé quand même pas mal de temps, et on le remercie pour le travail qu'il a effectué. C'est un super ingé son, et on est très content d'avoir travaillé avec lui. Ouais, parce qu'il y a le mixage du morceau quoi, avec les différents instruments, mais il y a aussi le placement dans l'espace, parce que quand on écoute en stéréo, il y a voilà, tout ça, il faut vraiment l'intégrer. C'est pas quelque chose qui ressort, non, il est intégré avec le son des oiseaux, les flûtes, donc spatialisation, on va dire ça comme ça. En tout cas, ils ont beaucoup il faut vraiment être un ingénieur du son pour savoir tous ces trucs là. Mais bon, c'est vrai que nous, quand on l'écoute, c'est agréable, mais on sait pas exactement pourquoi. Mais il y a de la technique derrière. Il faut la connaissance. Il y a des petits trucs rigolos, comme par exemple, petite anecdote pour Cosmos, si vous le réécoutez chez vous. En fait, vous verrez que le petit tang, tang, tang, tang, en fait, il bouge. Il migre en fait du côté gauche au côté droit en repassant par le centre à chaque fois. En fait, il a joué sur justement le côté spatial pour ce petit thème en fait qui est là tout au long du morceau, pour casser aussi le côté répétitif. Très bien. Je poserai peut-être si c'est possible, une question à Thomas. Est-ce que vous faites de la relaxation? Je fais de la méditation quand j'étais plus jeune, mais depuis, non. Parce que ce morceau. Bah, justement, pour les gens qui font de la méditation, des trucs comme ça, ça peut être déjà diffuser le morceau. Et pourquoi pas, justement, un jour, faire ça en direct avec des gens qui méditent ou qui font des, la relaxation. Je pense que ça irait très bien. C'est ce qu'en ce moment, on demande beaucoup. On est vraiment tout le temps, on est avec ce thème, la forêt, donc près de la nature, les arbres, et ensuite les animaux, la musique des animaux, les oiseaux, tous ces petits détails qui font qu'on est emporté, on est vraiment ailleurs, on oublie, on est vraiment dans ce qu'on appelle lâcher prise. C'est vraiment un morceau pour ça. Et c'est pour, j'aurais posé la question, il a fait la méditation. Et c'est vrai que aujourd'hui on est quand même dans un monde de fous, où on a un rythme et on a besoin de revenir un petit peu aux sources, et justement la forêt, les choses de la nature en général, on a envie de revenir pour comme tu dis, lâcher prise. Parce que finalement, dans notre vie, on est toujours stressé, on a toujours des choses à faire, on est tenu par le temps, par notre travail, par ceci, cela, il y a plein de choses, nos rendez-vous. Et puis là, finalement, on a envie de se dire, tiens, j'ai envie de prendre mon temps pour moi et de me laisser porter par quelque chose. Et justement, votre musique, elle est très bien pour ça. La musique, c'est un outil et pour beaucoup de professionnels de la relaxation. Et là, c'est vrai que parler d'outils à côté d'un artiste, ça peut choquer, hein, parce que je connais la sensibilité des artistes, mais c'est un mot technique qui ne dévalorise en rien la sensibilité des artistes. Quand on dit un outil, c'est quelque chose qui va être utilisé par le professionnel et aussi par le particulier chez lui, hein. C'est que parfois la musique, elle peut vraiment remplacer beaucoup d'autres là je parle pas en termes d'outils mais des professionnels même, hein. C'est on le connaît, on s'exprime à travers la musique, mais lorsque c'est bien fait, la musique, juste en l'écoutant, elle va aussi nous permettre de sortir des émotions ou de faire appel à certaines émotions avec cette écoute. Alors les instruments, l'univers de cette musique, c'est vrai que c'est la relaxation, le lâcher prise, c'est-à-dire on a quelque chose, on est totalement absorbé par quelque chose et on sait qu'il faut penser, voilà, il faut quitter ce silence, sera fatigué. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème qui n'est pas le leur, c'est la musique. Mais non, mais c'est vrai que ça peut être, il peut y avoir justement, comme je disais, des ateliers peut-être avec des gens qui font de la relaxation, qui pourraient vous inviter et vous seriez sur scène et puis des gens qui seraient en train. Je trouve que ça serait bien. De toute manière, l'essence du projet, c'est vraiment le lien avec la nature, le lien entre les humains, d'où aussi la place des émotions à la fois dans la musique, dans ce qu'exprime la danse et dans les textes aussi. Qui font référence des fois eux aussi à des émotions ou à des sentiments que peut vivre l'homme, la reconnexion avec la nature et avec les autres êtres vivants aussi, c'est toute une place qu'on a donnée en fait à ces valeurs dans notre projet. L'humain c'est super important et c'est un peu le message qu'on fait passer. Nous, on a aussi des liens forts entre nous, façon pour travailler ensemble, composer de la musique ensemble, écrire, danser. Faut avoir aussi certaines connexions et avoir des valeurs communes. Donc voilà, on est tous proches justement des arts, de la nature, des humains. Et c'est ce qu'on, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère faire passer aux gens dans le projet. Cette espèce d'harmonie, d'équilibre entre le cœur, le corps, l'âme, voilà. C'est... Alors, le stress, ce n'est pas nouveau. On en a toujours parlé. Oui, on en a besoin. Aujourd'hui, on est peut-être plus informés. On sait plus à quoi cela peut correspondre. Et surtout que l'on peut éviter beaucoup de conséquences négatives qui sont dues sur notre santé en ayant certains réflexes, et ces réflexes du lâcher prise, ces réflexes de la relaxation en écoutant de la musique. Alors c'était considéré comme quelque chose, éventuellement tu écoutes de la musique, tu ne travailles pas, alors qu'aujourd'hui personne dirait ça, hein, ce serait insensé. Et de plus en plus on va vers cela quand même, hein, essayer de chercher des moyens. Alors le stress, ce n'est pas possible d'y échapper. On a ce qu'on appelle le bon stress, oui, d'ailleurs. De toute façon, c'est ce qui nous motive aussi, hein. Les artistes eux-mêmes, avant de monter sur scène, ils ont un stress, je suppose, pas possible, mais c'est ce qui vous dope une fois que vous êtes sur scène aussi. Voilà, Rester en bonne santé. Voilà. Donc, trouver des moyens qui vont nous permettre de bien vivre avec ce stress qui n'est pas possible d'éviter, éventuellement. Mais il faut savoir le gérer, quoi. C'est surtout ça, quoi. Oui, on parle beaucoup de gérer, mais on ne peut pas tout gérer. On peut pas tout gérer. C'est exagéré. C'est justement comme tout ce qui est émotion et tout ça, on gère jusqu'à un certain degré, mais il y a des choses qui nous échappent puisque c'est des choses qu'on contrôle pas complètement. Parce que l'émotionnel, voilà. C'est justement ça. C'est ce qu'on contrôle pas forcément. Voilà. Quand on a les poils qui se dressent, on leur dit pas dressez-vous. Voilà, ça nous plaît et puis on a des émotions comme ça, quoi. Je voulais parler aussi, il y a un monsieur, tu connais sûrement, qui s'appelle Florent Amigo, qui fait les podcasts. de l'émission Mavrika et de toutes les émissions faites dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et nous envoie un petit message. Donc j'ai écouté tout à l'heure, c'est pour nous souhaiter des bonnes fêtes. Donc on va l'écouter tout de suite, ok? Ah oui. Des bonnes fêtes de fin d'année à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel à l'année prochaine. Voilà, donc c'est notre ami Florent qui est un auditeur fidèle de toutes les émissions. À chaque fois, il m'envoie un petit message aussi. Il écoute toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel qui sont faites dans les studios, parce qu'il y en a aussi certaines qui sont diffusées de RDP International ou des choses comme ça. Mais et lui, il les enregistre et il les met donc sur le site pour avoir les podcasts. Donc, si vous avez loupé l'émission, si vous êtes arrivé trop tard, par exemple, et vous n'avez pas eu la chance de découvrir le groupe Oniris ce soir, vous pourrez réécouter donc des qu'il y aura la publication du podcast. Je le partagerai sur le Facebook de l'émission Mavrika et vous pourrez réécouter. Vous pouvez même l'enregistrer, le télécharger pour l'écouter quand vous voulez ou le conserver puisque c'est des bons souvenirs aussi. Moi, je les conserve tous, hein, donc. Et puis, ils sont sur le site. Et donc, Florent m'enverra le lien. Il le partagera lui aussi de son côté. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Groupe de Podcast de Radio Arc-en-Ciel. C'est lui qui le tient. Et donc, il y a les liens pour écouter toutes les émissions que vous avez pu louper. Voilà, c'est quelque chose d'important, surtout quand on a des invités. C'est-à-dire que quand moi je diffuse juste des morceaux, c'est pas bien grave, mais quand il y a des invités qui parlent et tout ça, qui s'expriment, on aime bien garder ça. C'est... mais surtout quand il y a des lives. Parce que c'est ça qui est impressionnant d'ailleurs, hein, c'est que ces émissions aujourd'hui, c'est très très bien. Nous sommes en live, quoi qu'il arrive. En direct live, ouais. Voilà, on fait encore des émissions humaines, voilà. Et c'est très bien à réécouter. On n'a pas pu être à l'heure, mais ces émissions, elles ont été vraiment faites en live. Donc, bah justement, à propos de live, moi, je propose, voilà, c'est une idée qu'on a eue tout à l'heure, c'est qu'il y a des textes qui sont écrits par Aude, qui sont lus sur vos musiques, et peut-être Aude pourrait-elle interpréter un morceau, le dire, quoi, du moins, un texte, interpréter un texte, en direct. Je j'ai pas de flûte et Thomas, il a rien. Ouais, vous avez pas amené les instruments. La poésie, j'adore la poésie. Mais je me retrouve avec quelqu'un en plus, c'est la poésie. Effectivement, il y a des morceaux qui n'ont pas été enregistrés, dans l'EP, avec des textes, et là, j'en ai un sous la main, qui est un morceau qui, là, en fait, qui est assez simple, amoureuse. Il y a une petite boucle de flûte au début qui s'en va progressivement. Il y a vraiment une improvisation du piano. Mmh. C'est vraiment pas écrit. Thomas, il joue en fait au fil des mots que je peux poser. Alors par contre, les mots, c'est toujours les mêmes, hein. Et donc, je vais vous lire ce texte. J'ai choisi parce que on est aussi le 22 décembre. Aujourd'hui, c'est le lendemain du solstice d'hiver. Ça veut dire que les jours commencent à rallonger. Très important. On est à la période des fêtes des Lumières, hein, qui ont précédé toutes ces fêtes monothéistes. C'est un texte qui s'appelle Amoureuse. Qui me permet aussi, d'une pierre deux coups, de souhaiter de belles fêtes de fin d'année à tout le monde et de vivre heureux, que le bonheur soit chez vous, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas tous les cadeaux qu'on pourrait avoir sous le sapin. Ouais, il y a des cadeaux qui ont pas de prix et puis c'est pas forcément ceux qui coûtent le plus cher qui sont les plus agréables. Exactement. Et des fois, il y en a certains qui nous touchent, ils ont rien coûté du tout. Des sourires, des paroles, des choses comme ça, c'est le plus important. Et puis surtout, je pense que c'est aussi l'occasion de se réunir en famille et tout ça et avoir tout le monde ensemble. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Donc voilà, j'espère que tout le monde va passer des bonnes fêtes, hein, vous musiciens, tous les gens qui nous écoutent, passez des bonnes fêtes et c'est l'occasion justement de retrouver des personnes que vous voyez pas forcément tous les jours et de partager des moments avec eux et c'est des moments qui restent en plus, hein. C'est des choses qu'on écrit dans nos mémoires et qui restent pour toujours. Donc on va écouter Aude. Je suis une grande amoureuse, une amoureuse de la vie, elle qui est pleine d'éclat, de joie, de projets, de rire, d'amitié. La vie qui nous lève le matin pleine d'espoir. La vie qui nourrit notre âme, jour et nuit. La vie qui ensoleille notre corps, à raison ou à tort. Une amoureuse de la nuit, elle qui revêt son manteau d'étoiles, d'astéroïdes, de météorites et de rêves. La nuit qui régénère notre matrice. La nuit qui laisse place à un inconscient conscients de torturer parfois notre âme. Une amoureuse de la musique, elle qui chante nos lendemains, notre quotidien qui enchante nos oreilles, quelles que soient les humeurs, elle qui fait résonner notre intérieur, qu'elle soit en paix ou en colère, la musique qui nourrit notre esprit et qui peut la détruire en un détournement de scie. Une amoureuse de l'amour, lui qui est si riche, si généreux, si voluptueux, l'amour qui fait vivre ou laisser mourir, l'amour qui fait sourire ou pleurer, l'amour qui rend si fort et si vertueux, l'amour qui peut ravager autant que le feu. Une amoureuse de la mort, elle si féminine, capable de patienter longuement sous son manteau d'hiver, elle qui rend la vie si lumineuse, la nuit si bienfaisante, la musique si belle et l'amour si grand. La mort qui se présentera à l'aube ou au crépuscule de notre existence, qui prend sans raison apparente notre corps qui nous a permis d'être amoureuse dans cette vie. Bravo, hein. Voilà, lu en direct un morceau écrit par Aude, et voilà, Aude ce soir est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous a écrit un très beau texte. Voilà, c'est un texte qui va apparaître donc dans vos compositions. C'est ça? Dans les concerts, oui. Dans les concerts? Ouais. Ouais. Et est-ce que ces textes-là qu'on écoute une fois, est-ce qu'on peut les retrouver écrits quelque part ou? Alors, je cherche un éditeur pour les poèmes. J'en ai une quarantaine de poèmes que j'ai illustrés avec des peintures. Et justement, là, depuis quelques mois, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir les éditer. Donc, je cherche un éditeur qui puisse éditer de la poésie et donc des peintures. Et effectivement, je pouvais avoir un recueil de poésie, ça permettrait aussi aux gens qui viennent au concert éventuellement de pouvoir acheter le recueil et rentrer avec un souvenir chez eux. Alors il y aurait pas que ces poèmes-là, hein, parce qu'il y en a 8 des poèmes dans le spectacle, et moi des poèmes je dois en avoir peut-être une quarantaine aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée, c'est mon prochain bébé littéraire, parce que j'accouche d'un bébé après l'autre. J'ai sorti un roman en juin et j'ai beau avoir une idée pour un prochain roman, je veux d'abord réussir à faire ça, mais c'est un peu difficile. L'édition de recueil de poésie, c'est quand même pas simple. Donc voilà, si jamais vous connaissez des gens ou s'il y a des éditeurs qui écoutent, qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche à faire publier ce recueil de poésie avec des peintures. Très bien, donc alors, voilà. Ce n'est pas un sujet facile, hein, le thème de l'amour. Alors aujourd'hui, on essaye justement de tout gérer et avoir des stratégies pour réussir sa vie de couple. Alors que dans le monde des artistes, on parle émotion. Alors, il y a deux choses qui sont très contradictoires. Alors, qui sont contradictoires et pourtant elles font partie de notre quotidien, de ce qu'on doit régler, résoudre comme problématique. Ce que l'on ressent, cette émotion, très bien décrite dans ce poème, je vais réécouter, relire, donc j'espère vraiment qu'il y aura un livre qui sortira avec tous ces textes merveilleux, parce que c'est du ressenti, c'est l'émotion. Et puis, cette envie de réussir, alors c'est pour ça que je parlais de succès, réussir sa vie, qu'est-ce qu'on entend par succès, et alors sa vie de couple. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on va avoir toutes ces stratégies utilisées pour se dire, finalement, il faut réussir, il faut rester tout le temps ensemble. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir rester une vie ensemble? Est-ce que c'est seulement cette émotion, toutes ces émotions? Il y a certainement d'autres choses qui font que certains couples vont pouvoir accepter, surtout, je parle d'accepter, de rester ensemble toute une vie, et d'autres, ça va durer quelques temps, et ils vont décider de retrouver, il n'y a pas très longtemps, je disais, l'être humain, je lisais, c'était prouvé scientifiquement, je vais retourner sur ce sujet, où on dit, un être humain, il peut tomber 3 fois amoureux dans sa vie. Je me demande pourquoi 3 fois, mais ce serait ça. Des gens qui ont étudié. Voilà. Et oui. C'est suivant des statistiques, je suppose, mais après, bon, chaque être humain est différent aussi. Après, oui, et puis Beck Bédé a bien écrit que l'amour dure 3 ans. Voilà, donc il y a un projet de vie avec quelqu'un et qui demande peut-être beaucoup de l'éducation, du savoir-vivre, du savoir-être, peut-être, pour éviter. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la connaissance virtuelle d'un auteur, monsieur Gervais Marc, qui est aux États-Unis. On parle toujours, on est en avance dans tout ce qui est développement personnel. Et c'est un exemple, parce qu'on utilise beaucoup la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est aussi un outil. C'est pas ce que moi j'utilise forcément, plutôt l'écoute. Mais il y a cet exemple donné par quelqu'un. On va suivre un exemple, apprendre avec l'autre. Et justement, il donne beaucoup de conseils. En ce moment, on le voit beaucoup en live, avec des lives. Et il faut du temps. Bon. On est dans le thème, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux artistes, ça fait la particularité par rapport à d'autres, on entend du n'importe quoi. Alors ça reste oui, des fois, oui, c'est... Voilà. Effectivement. Donc le côté artiste et sensibilité, pour dire oui, pour moi c'est quand même l'émotion, c'est le plus important. Alors le succès c'est réussir, c'est-à-dire est-ce dans notre société on va entendre quelqu'un qui a réussi, qui va rester tout le temps avec la même personne, qui va une vie amoureuse idyllique. Je pense que après c'est suivant les trucs, l'exemple de l'un n'est pas forcément valable pour un autre, etc. Donc après mais on pourrait avoir plein de thèmes comme ça. Avec les artistes, on peut aborder beaucoup, beaucoup de sujets très bien importants dans la vie d'un être. Le temps passe vite, on va essayer d'écouter d'autres morceaux, parce que et on a encore plusieurs morceaux. Donc le suivant que j'ai programmé s'appelle Percu Time. Vous voulez en parler un peu de ce morceau-là? Donc il y a de la percu, donc c'est plutôt le côté de Thomas. Ah, Thomas, c'est la même chose, il dégage une tranquillité qui est très, très agréable. Alors, mais pour du coup, reparler... c'est un morceau qui change un peu, ou du coup, il n'y a que de, que de la percussion, quoi. Que de la percu. De la batterie, et puis un petit bout de sample. Et moi, j'ai un tambour marocain traditionnel, un bendir. Okay. On a aussi voulu mélanger les époques avec des instruments. Le bendir, c'est un instrument qui est très, très, très vieux. Hein. Un instrument traditionnel du nord de l'Afrique. C'est un tambour assez grand, assez plat. C'est comme ça à peu près, et puis c'est profond comme ça, c'est un son un peu grave. Très bien, ouais, je vois ce que c'est. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir, ouais. Et on a mélangé ça avec la batterie qui est assez récent, mais qui est quand même un entre-deux, et mélangé carrément aux boucles de machines qui sont très très modernes. D'accord, donc programmées même très régulières. C'est ça aussi la particularité, c'est que les machines sont très très régulières, alors qu'un batteur, lui, peut y avoir une petite différence, et ce qui fait aussi le côté humain. Parce que quelque chose vraiment, bon, qu'on écoute les musiques, les premières musiques électroniques, je pense par exemple à Kraftwerk ou DAF, ou tout ça, c'était régulé, et là finalement le fait d'avoir un batteur, même on le voit de plus en plus dans des musiques électroniques, c'est qu'il y a un batteur, il a le côté vivant, il y a le petit décalage, il y a le petit machin qui va faire la différence. Ça rajoute un côté un peu organique. Tout à fait. Ouais, puis ça permet une évolution en fait que t'as pas avec les machines programmées. Très bien, donc on va écouter ce morceau. Ça s'appelle Percu Time et c'est le groupe Oniris. Thank you. Donc le morceau qu'on vient d'écouter actuellement, juste à l'instant, Percu Time. Ah bah c'est pas tout à fait fini, mince. Mais si, c'est lui qui recommence. Je sais pas pourquoi le lecteur il est en retour, c'est pas bien grave. Donc on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on va parler un petit peu de... on vient d'écouter ce morceau-là, Percu Time, donc... principalement des percussions, même si on entend un petit son derrière, au synthé et tout ça, batterie, percussion, s'inspirer, il y a un petit peu, on parlait tout à l'heure du tambour marocain, effectivement, il y a un petit côté aussi, on voyage toujours, là on était peut-être faire un petit tour au Maroc, et peut-être ailleurs aussi, il y a aussi d'autres références sur d'autres morceaux, non sur celui-là, et on sent quand même du rythme un petit peu... Un rythme un petit peu indien aussi. Indien, aussi. Ouais, on restait dans l'univers organique. L'idée, c'était d'avoir le côté un peu trans qu'on peut avoir. Enfin, quand on l'a... moi, de mon côté, quand on l'a pensé, je voyais un peu tout ce qui va être fête païenne avec des gens qui dansent vraiment de manière complètement libérée autour d'un feu ou dans une forêt. Vraiment ce côté très très ouais, offrant, j'imagine bien avec cette musique là. Ouais, tout à fait. Côté trance et tout ça, donc tout les à nymphes dans la forêt. Il y a comme une part de comment dire de voilà, il y a les nymphes, les il y a quand même un comment dire une référence à des légendes, des trucs légendaires, non? Et l'esprit des forêts, les choses comme ça, donc voilà, moi je vois un petit peu comme ça, c'est ça. Tout à fait, non? Ressourcer, musique un peu chamanique aussi. Enfin, oui, c'est ça. On a des inspirations diverses. On n'a pas forcément les mêmes, mais c'est vrai que tous les deux, on a comme ça des sources un petit peu liées à la nature. Là, on est dans la spiritualité plutôt. Hein. Je crois que c'est ce qu'il essaye de dire quand il dit chamanique. Ça dépend de chacun. Voilà, c'est ça qui est difficile. Hein. Les œuvres des artistes, finalement, celui qui va écouter, il y a une écoute qui est différente. Tout à fait. Les artistes, déjà, ils ont leur émotion qu'ils essaient de transmettre, et nous, on reçoit une émotion qui n'est pas forcément celle qu'ils ont voulu transmettre. Parce que chacun s'accapare un petit peu les morceaux. Ça arrive souvent aux gens de dire, voilà, ça c'est notre chanson. Par exemple, non, c'est pas du tout une chanson, mais c'est celle dans laquelle on s'est reconnu. Donc voilà. Et puis, ça m'est aussi arrivé d'écouter des textes, et je l'ai interprété par rapport à mon vécu à moi. Et quand j'avais les artistes qui sont venus devant moi, ils m'ont expliqué les choses, j'ai dit mais je voyais pas ça du tout. Et quand j'ai expliqué ma version, ils m'ont dit oui, c'est vrai qu'on peut aussi et c'est vrai que je pense qu'il y a autant de versions différentes que de personnes qui vont écouter ce morceau-là ou ce texte, voilà. C'est sûr, on l'interprète, on n'est pas tous pareils. Il y a Nathalie aussi, quand elle danse, elle a un côté très très bestial en fait, elle se lâche vraiment sur ce morceau ce côté très très bestial, homme proche de la nature dans son sens premier. Donc on est proche de l'Afrique aussi, tout ce qui est chant africain, danse africaine. Si on parlait du tambour du Maroc en fait, hein. Ouais. Ça, tout est l'Afrique, c'est source d'inspiration. On le sait, hein, la musique. Bah oui, déjà, nous on a découvert la musique américaine. J'ai vu il y a pas très longtemps une émission. Je sais pas si vous avez vu à la télévision sur les Rolling Stones où les Rolling Stones s'étaient inspirés par la musique noire américaine que les Américains eux-mêmes boudaient. C'est-à-dire que la musique noire américaine, pour eux, c'était la musique de deuxième zone. Ils écoutaient plutôt du country. Et finalement, c'est aussi grâce aux Européens qui se sont tournés vers cette musique-là et qui l'ont remis en valeur, qui ont fait connaître des bluesmen et qui ont fait connaître finalement le blues au monde entier. Et c'est quelque chose de drôle parce que les gens qui l'avaient mis de côté dans le pays même, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on n'écoutait pas tellement le blues, alors que les autres pays étaient très intéressés par cette musique-là. Et le fait d'avoir eu des groupes européens qui ont été aux États-Unis redécouvrir et refaire découvrir par les Américains cette musique-là, qui est quand même une grande richesse, et elle vient d'où ? Il y a quand même un petit peu de l'âme de l'Afrique aussi là-dedans. Hein. Tout à l'heure, on parlait justement du country avec le côté un peu européen, les Irlandais. Le country, c'est la musique folklorique finalement des États-Unis qui a été fait avec le mélange de plein de musiques folkloriques d'autres pays, principalement européens. Et après, il y a aussi le côté un peu plus africain avec le blues, avec cette musique-là, et puis le mélange de jazz. Le blues a donné deux grandes familles, le jazz d'un côté et le rock en fait tout de l'autre. Tout à fait. Ouais. Bah oui, il faut savoir que la musique que j'aime vient de là. D'accord. Mais elle parlait animalité aussi, et ça c'est très très important. Ouais. Parce qu'on ose peut-être moins, et on voyait bien comment elle essayait de dire oui. Tu vois, ce côté au niveau de la danse, je crois que c'est Aude et Thomas. Nathalie. Non. Nathalie, la danseuse. Qui danse. Oui. Et elle dit, c'est plus facile hein, au niveau d'exprimer ce côté. Elle a répété plusieurs fois d'ailleurs, hein, cette animalité par la danse et le corps finalement qui s'exprime avec l'aide des sons. Et l'Afrique, peut-être à cause de la température, je ne sais pas, du climat, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est là qu'on retrouve cette sincérité du corps qui s'exprime, de façon très authentique, plus que chez les Européens. Oui, nous c'est très codé, très. Mais bon, après il faut peut-être après, un petit peu des deux, aussi, voilà. Oui, voilà. C'est une histoire. Eux aussi c'est codé, mais nous on le voit peut-être un peu moins. Mais ils ont aussi leur code. Et puis quand on parle de l'Afrique, c'est les Afriques parce que finalement l'Afrique est très grande. Il y a une multitude de cultures différentes. Et nous on met un peu tout ça de côté en voyant de notre côté européen. Alors qu'en vérité chaque pays, chaque ethnie, le Maroc, etc. Le désert. Ouais. Et on se protège de ce climat. Voilà. Certains lieux d'Afrique, d'ailleurs, je profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous les pays lusophones côté africain, vous la Guinée, le Mozambique, tous ces pays. Des grands pays qui parlent la langue de Camões. Voilà. Parce que je pensais aussi, tu parlais les tout à l'heure. Les corps déshabillés, par exemple, tout ça, ce qui est, c'est au niveau de la musique. On les gens au Maroc se protègent du soleil, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une fois, justement, au Maroc, j'avais été là-bas, il dit, mais il fait toujours beau chez vous. Il dit, non, il fait pas beau chez nous. Chez nous, quand il fait beau, c'est quand il pleut. On a une manière différente de voir les choses. Parce que nous, ici, ce qui nous manque, c'est le soleil. Donc, on a envie d'aller retrouver ça là-bas. Eux, là-bas, ce qu'ils veulent, c'est pour leur terre, que ce soit arrosé, quoi. C'est ça, pour eux, le bonheur, c'est d'avoir de l'eau dans leur champ pour la culture. Et c'est ce qui leur manque à eux, quoi. Et donc, finalement, le bonheur chez les uns n'est pas le bonheur chez les autres, hein. Voilà. Mais il y a ce rapport au corps. On est très déshabillés. En Afrique, on voit bien que les gens, ils rient beaucoup parce que il fait très chaud, on n'est pas encombré, voilà, par tout ça qui pèse. Bah ouais, ce qui est drôle aussi, c'est justement, moi j'ai eu la chance de voyager dans pas mal de continents et y a des gens où qui n'ont pas grand chose, ils vivent au jour le jour et ils ont par contre dans leur visage un sourire qu'on retrouve pas. Et ça m'est déjà arrivé de rentrer en France en me disant mais mince. On tous la gueule ici, c'est pas possible. C'est un peu alors, vrai, quoi. On a ce... un peu, étranger. C'est... Le français passe un peu pour le râleur. Ça c'est encore. En Europe, on a moins de soleil. Oui. C'est vrai que c'est celui qui s'exprime et qui va donner des conseils à tout le monde. Le français, c'est un peu ça. C'est vrai que. Sans avoir forcément la connaissance derrière pour donner les conseils. Mais bon. C'est lui qui ouvre un peu, ça bouge tout le temps. Oui, c'est un peu l'image qu'on a. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement. Mais bon, c'est un peu l'image qu'ils ont de nous. Et par contre, c'est vrai que quand nous, on s'intéresse, voilà, ils ont une vie très simple. Et puis finalement, moi, j'ai vu des endroits où vous avez rien à manger, quoi, pratiquement. C'était le fruit qu'ils cueillaient le matin, les légumes là. Et puis, mais par contre, ils avaient quelqu'un qui arrivait, ils le partageaient avec eux. Mmh. Et c'est quelque chose, à un sens, qu'on a un peu perdu, peut-être en Occident. Mmh. C'est que, on pense, on est très égoïste, on pense tous à notre petite vie. Dans les pays industrialisés, de manière générale. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et c'est bien de retrouver justement ce côté-là et de voir les gens qui, avec des sourires. Moi, j'ai vu des fous. Moi, j'aime bien prendre des photos quand je me voyage et j'ai des photos avec des sourires des gens qui finalement, on pourrait croire qu'ils sont. Ils ont des vies moins agréables que nous et finalement, je sais pas. Au bout d'un moment, on se pose des questions. On se dit, nous, on a tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'on a le bonheur? Est-ce qu'on l'a rencontré? Et eux, peut-être qu'ils l'ont rencontré. Hein. De toute façon, chacun a sa perception du bonheur. Du bonheur, ouais. Et de son passage sur Terre aussi. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Y en a qui vont effectivement voir que les côtés négatifs. Il y en a qui vont voir les côtés positifs. Il y en a qui pensent qu'ils sont là pour accomplir quelque chose. Il y en a qui sont là. Il y en a qui pensent qu'ils sont là pour apporter quelque chose. Donc ça dépend vraiment des perceptions de chacun. Et ça, c'est il n'y a pas une personne de façon. Il n'y a pas deux personnes pareilles sur Terre. Mmh. Ouais. Ben c'est ce qui fait aussi notre richesse, hein, le fait qu'on soit tous différents. Voilà, très bien. Ben on arrive bientôt à la fin de cette émission. Là. Ça passe très vite. Est-ce qu'on a un sujet qu'on n'aurait pas abordé que vous avez envie de dire? Je pense qu'on a quand même bien découvert votre univers. Il reste un dernier morceau, un morceau qui s'appelle Soul. Vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là? Alors Soul, on revient encore à des grands mots. Soul, c'est l'âme, c'est exactement l'âme. Voilà, l'âme. Là, c'est un morceau avec vraiment juste piano, machine. Enfin, ouais. Piano, machine et voix. Ouais. Très bien. Il y a un refrain un peu répétitif qui est. Un peu, je vais pas avoir la prétention de faire du slam, mais un peu dans l'esprit justement. D'accord. Du slam. Ok, donc on va l'écouter tout de suite et puis comme ça chacun se fera sa propre idée. Voilà, comme on en parle depuis tout à l'heure. On écoute tout de suite le morceau qui s'appelle Soul et c'est le groupe Oniris qui est notre invité ce soir. De se demander ce qu'est l'âme. On y réfléchit en tant qu'entité, que personnalité. Certains n'y pensent pas, n'y croient pas. Tout un chacun est en droit de questionner si l'âme survivra. On le suppose, on implique un ou des dieux pour le justifier. certains qui croient pas. Cette âme que l'on maltraite, cette âme que l'on ignore, cette âme qui nous dévore, cette âme qui nous nourrit, cette âme qui nous sourit, cette âme qui nous attriste, cette âme que l'on chérit. Tout un chacun est en capacité de voir son âme dans le reflet des yeux. On l'aperçoit, on la touche du bout de notre cœur. Certains n'y pensent pas, n'y croient pas. Étant pâmoison devant l'âme de l'autre, on la reconnaît, on la désire, on la retrouve. Certains n'y pensent pas, n'y croient pas. Cette âme que l'on maltraite, cette âme que l'on ignore, cette âme qui nous dévore, cette âme qui nous nourrit, cette âme qui nous sourit, cette âme qui nous attriste, cette âme que l'on chérit, cette âme que l'on maltraite, cette âme que l'on ignore, cette âme qui nous dévore. Cette âme qui nous nourrit, cette âme qui nous sourit, cette âme qui nous attriste, cette âme que l'on chérit. Tout un chacun est en opposition avec la raison. On pense que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Certains n'y pensent pas, n'y croient pas. Avec la disparition du corps. On espère que notre voyage durera des siècles. Certains n'y pensent pas, n'y croient pas. Cette âme que l'on maltraite, cette âme que l'on ignore, cette âme qui nous dévore, cette âme qui nous nourrit, cette âme qui nous sourit, cette âme qui nous attriste, cette âme que l'on chérit. Que l'on ignore, cette âme qui nous dévore, cette âme qui nous nourrit, cette âme qui nous sourit, cette âme qui nous attriste, cette âme que l'on chérit. Voilà, cette âme Soul, le groupe Oniris, qui est notre invité de cette émission numéro 575. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette émission et ce que je voulais dire, c'est les phrases magiques, comme d'habitude. À la fin de chaque émission, on a toujours l'habitude de dire au moins trois phrases magiques. Alors la première, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Pardon. Le rock'n'roll, la musique en général, hein, je dis le rock'n'roll, mais bon, en vérité, ça peut être toute la bonne musique soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur, hein, ça c'est une évidence, je crois, pour en tout cas pour tous ceux qui sont passés dans l'émission Mavrika. Et une autre phrase qui est Everything is gonna be alright, qui est en anglais. Voilà, donc c'est des phrases magiques à la fin de chaque émission. Et puis en tout cas, je vais vous remercier d'être passé dans les studios Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter votre nouveau projet. Hein. J'espère que ça va bientôt partir et qu'on va pouvoir vous voir sur scène. Voilà, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de date vraiment figée, mais vous nous tenez au courant et puis vous venez dans les studios nous avertir si vous voulez. Vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi nous prévenir, comme ça on le dira dans les émissions des autres invités, quoi. Voilà. Ah, ils auront certainement beaucoup de choses à dire. D'abord parce qu'ils n'ont vraiment pas dit tout ce... il y a au niveau littérature, parce que Aude nous a parlé d'un livre sorti, je crois que c'était en 2015, Histoire d'Orléans. Non, c'est celui qui vient de sortir. 2022, c'est 2020. Ça. Ah, c'est voilà. 2020. Mais il y en a eu d'autres de sorties. Oui. Alors, on ne sait même pas. Voilà, il faudra il va falloir qu'elle revienne pour nous parler de ça. Et celui Histoire d'Orléans, forcément, on est tous amoureux d'Orléans. la preuve. Bah, les Orléanais déjà. À chaque fois, je dis oh, quelle ville merveilleuse, on n'est pas très loin de Paris. Les Parisiens nous appellent, hein, il ne faut pas avoir le complexe d'infériorité province. Hein. Non, mais et puis même dans l'émission Mavrika, il y a eu quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui viennent de la région parisienne dans l'émission Mavrika. Donc voilà, mais pourtant, c'est pas tout près. Ils font quand même l'effort de faire 100, 150 km pour venir nous rejoindre, pour faire une émission ensemble et repartir après. Et comme quoi, ben, sur Orléans, ben, on est quand même connu pour recevoir des artistes dans les émissions pour les faire connaître. Et ça nous fait plaisir de recevoir régulièrement des gens qui viennent de là-bas, quoi. Alors que bon, après, on reçoit aussi des gens de la région. Il y en a certains aussi qui sont venus de Brest, par exemple, de Bretagne, de Biarritz, il n'y a pas très, très longtemps. Et puis voilà, on est content d'accueillir les gens. Mais c'est vrai que Paris, ça fait partie quand même des villes qui nous envoient le plus d'artistes. Voilà. Alors, ils sont très, très beaux. Owen disait tout à l'heure la casquette de Thomas, qui a fait des efforts, apparemment. Pour oui, il a une voir. Casquette avec des couleurs qui sont changeantes. C'est formidable. Ouais. Là, je ne connais pas l'image. Plus de Noël. Ah, oui. Bah oui, c'est vrai que moi, je ne voyais pas tellement, mais maintenant que je me l'ai... C'est un très beau pull. Hein. Ah ouais. Merry Christmas. Il est très... Parce qu'en général, on a la réputation de dire les pulls de Noël, c'est horrible. Voilà, on n'aime pas. Là, on est dans des très très jolis pulls de Noël. Voilà, donc on va souhaiter aussi de bonnes fêtes à nos auditeurs, hein, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis donc la semaine prochaine, je ferai une émission, mais il y aura pas d'invité. Hein, ça a été choisi comme ça parce que justement, c'est entre les fêtes. Je me suis dit, on va diffuser pas mal de morceaux. Ah, j'aurais aimé être là avec toi. Mais tu ne seras pas là parce que tu seras loin. Dommage, le passage de l'an au Portugal de façon très très rapide. Normalement, je reviens, je ne reste pas très longtemps. Mais c'est vrai que le 29, je ne serais pas encore arrivée. Ou alors, c'est peut-être. Si on avait prévu, on s'était dit, tiens, ça se trouve, tu voudrais passer à ce moment-là. Et finalement, comme tu ne pouvais pas, on s'est dit, tu viendras avec le groupe Oniris. Et donc, ça t'a permis de découvrir ce. Bon groupe. Excellent groupe. Ah non, je suis vraiment très, très. J'aurais été contente de faire un passage de l'an avec les auditeurs et ici dans les studios. D'un autre côté, c'est un cadeau unique. Hein. Je dis c'est à notre chaque cadeau fois, de Noël. Voilà, je ne pouvais pas avoir des cadeaux plus merveilleux que celui-ci. Mmh. C'est gentil. Je remercie Aude, Thomas. Le groupe, apparemment, c'est un trio. Hein. C'est l'autre personne qui n'est pas là, qui devait peut-être être là, Nathalie, qui fait de la danse, ou plutôt. Et Mathéo, à la technique. Et Mathéo à la technique. Et Albino. D'ailleurs, j'ai prévu juste avant, bon, on va le citer quand même, c'est justement, on passera un petit morceau d'ombrage avant de se quitter, comme ça. Ça fera un petit clin d'œil à Mathéo qui, s'il nous écoute comme ça, il sait très bien, il est venu dans les studios. J'ai eu l'occasion de les voir deux fois en concert. Et franchement, moi ça me plaît vraiment. Hein. Franchement, ce qu'ils font, c'est super bien aussi. Et donc, et régulièrement, on diffuse aussi des morceaux des groupes qui sont passés. Donc, Ombrage fait partie des groupes de la Mavrika Family, et on va diffuser un morceau juste avant de se quitter. Voilà, on a tout dit parce que là. Thomas, il n'a pas dit au revoir. Je crois parce qu'il est très discret. Voilà. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Bah c'est toujours un plaisir, hein, tu es toujours le bienvenu, hein, tu sais bien très bien, et ça m'a fait plaisir de dire tiens, je vais recevoir à nouveau Thomas dans les studios. Donc voilà, on se connaissait déjà depuis pas mal de temps, et ça fait du bien de voir les gens venir et revenir. Donc ça, c'est la preuve qu'on se sent bien dans l'émission d'Africa. Alors Suisse, Luxembourg, Belgique, Canada, France, Portugal, tous les pays, hein, pays d'Afrique, Asie, Brésil où on parle portugais, mais joyeux Noël. Alors voilà. Feliz Natal. Feliz Natal. Voilà, c'était émission se termine, donc la semaine prochaine il n'y aura pas d'invité, et je peux vous rappeler rapidement les prochains invités. Donc au mois de janvier, il y aura le 5, pour l'instant c'est pas définitif, le 12 il y aura Pauline à la plage, donc une découverte. Tu te souviens du groupe Mandrake? Un groupe qui s'était composé dans l'émission Mavrika. Oui, oui, c'était Guillaume qui était venu, il cherchait des musiciens, et le groupe, quelques temps après, est venu avec les musiciens. Oh, et le groupe s'est fait, et justement, le groupe Mandrake, on n'a plus de nouvelles. Mais par contre, Pierre, le batteur, a fait une nouvelle, un nouveau projet qui s'appelle Pauline à la plage. On a déjà diffusé des morceaux et donc ça sera l'occasion de découvrir justement ce nouveau projet de Pierre avec Pauline dans l'émission le 12 janvier. Le 19 janvier, ça sera le tour de Prisma, voilà un groupe qui envoie du bois et qui a sorti un nouvel album que je vais recevoir très bientôt et que je diffuserai dès que je l'aurai. Le 26 janvier, ce sera les Uncle Bikers. Si vous aimez le rock and roll, le blues, c'est vraiment le groupe, un super groupe en tout cas que j'aimerais bien revoir sur scène. J'ai eu l'occasion déjà de les voir, mais ça fait un petit moment, donc ça sera avec beaucoup plaisir qu'on les recevra. Le 2 février, ce sera Trans Chacal Express, donc la musique très électronique. Hein. J'ai déjà diffusé quelques morceaux. On se connaît depuis longtemps. J'ai pas eu l'occasion de les rencontrer encore pour l'instant, donc ça sera l'occasion de découvrir leur univers le 2 février. Et puis le 16, donc encore un groupe qui a été formé grâce à l'émission America, c'est Willy, l'ex-chanteur des Black Inside, qui était venu avec son projet solo. Et puis finalement, il disait qu'il cherchait des musiciens. Et effectivement, il y avait des musiciens qui écoutaient. Donc le groupe s'est formé. Il y a eu le premier concert il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours. Et donc ils viendront, c'est Will and Guys, donc qui viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le nouveau groupe de Willy avec deux autres personnes, hein, je peux vous les citer, hein, c'est Fred, Fred qui était le bassiste des Garens, et puis comment il s'appelle, Ben Benoît, qui était lui aussi le batteur des Garens. Bon, entre autres, hein, parce qu'il y a aussi le batteur des Blues Factory et de plein d'autres groupes. Voilà, donc le groupe s'est constitué. Et voilà les prochains rendez-vous pour l'instant. Ah, j'ai vu sur Facebook le groupe Lajari, parce que c'était presque devenu une tradition à Noël. Ouais, ils viennent régulièrement, mais là, ils doivent être très occupés. Mais dès qu'ils ont l'occasion, ils viennent ici, il n'y a pas de souci non plus. Ils ont sorti une chanson de Noël et j'étais contente de les entendre parce que voilà, on se connaît un peu. Ouais. C'est grâce au studio. Alors oui, on peut souhaiter une bienvenue à l'année 2024 ouais, déjà. Hein. Ouais, voilà. On espère en tout cas que l'année 2023 va bien se terminer et puis on souhaite que l'année 2024 soit meilleure. Voilà, toujours meilleur. Voilà, cette émission se termine. On va dire au revoir maintenant parce que notre ami Florent ne pouvait pas enregistrer au-delà des 22h. Donc déjà, ce qu'on est en train de dire sera pas dans le podcast. Bon, c'est pas bien grave. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. C'est pas bien grave. Hein. Il aura quand même... À joyeux Noël à Florent. À Florent et à tous les auditeurs et tous ceux qui ont laissé des petits messages sur le Facebook de l'émission. Voilà, cette émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit. Hein, 96.2 MHz sur Radio Arc-en-Ciel et le www.radio-arc-en-ciel.fr.com, ce que vous voulez, ça marche. Merci, on se retrouve beaucoup. Ici et donc la semaine prochaine on écoutera de la bonne musique, ce sera l'émission numéro 576 et dès maintenant je souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end de fête, un bon Noël, une bonne semaine et à vendredi prochain. Voilà, on écoute donc le dernier morceau. Merci encore à vous, le groupe Oniris. Et puis Oniris à suivre, absolument. À suivre, je vous absolument. Le conseille. Ah oui, oui. Voilà, et on va se quitter avec un morceau de Ombrage que j'ai calé tout à l'heure. Et on se donne donc rendez-vous vendredi prochain. fait de fausses lignes, à qui on hérite de nos frères, bâtis sur des cités de ruines, à part des mondes, puisqu'il faudrait marcher droit. FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Elia Jerónimo, uma algarvia que promove as tradições desde a ria à